Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 108e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Je l'avais pas lancé, j'avais pas activé la soundboard. Mais quelle connerie d'avoir qui a montré ces conneries. Mais c'est toi. Merci, merci Loulou. Et bienvenue c'est messieurs. Amusant, mais bon. Et bienvenue messieurs. Et bienvenue messieurs. Et bienvenue messieurs. Et bienvenue messieurs dans ce que j'appellerais le cercle de confiance et le cercle de discussion ce soir. Un cercle où nous sommes tous réunis dans un endroit convivial et de confiance pour parler de notre rapport à la colère. Donc du coup, aujourd'hui, nous accueillons Majo. Bonjour Majo. Bonjour Sei. Majo, tu es parmi nous parce que j'ai cru entendre dire que ta femme t'avait trompé avec un Quest 3 et que du coup t'en avais vraiment gros sur la patate et tu voulais en discuter un petit peu avec nous. Il n'y aura pas de jugement ce soir, je vous rassure. Donc, Bah écoute, ça tombe bien que t'en parles parce que je suis passé chez mon médecin là très récemment et puis je me suis fait prescrire un petit Lexomil. une petite boîte de médoc. Est-ce que t'es sûr que t'en auras suffisamment? Bah je suis pas sûr. Écoute, au cas où, il m'a dit si jamais ça va pas, vous pouvez le coupler avec un peu de. Ah de vodka. D'accord, pas voilà. Mal. Les mélanges, effectivement, ça rend le médicament voilà. Beaucoup plus efficace. C'est une très bonne idée. Donc les enfants, ne faites pas ça chez vous, et puis les adultes. Bien entendu, exactement. Les choses à pas faire. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Regardez. Ouais, ouh, trop bien. Mais je vous aime, les mecs. Hein. En tout cas, ça a l'air drôle, t'es caché. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est le petit format. Et ensuite, j'achète la même vodka que lui. Ensuite, nous avons Laurent. Laurent, qui au crépuscule de la quarantaine, s'est rendu compte qu'il aimait les Xbox. Donc, Laurent, salut. Comment vas-tu, Laurent? Je bug. C'est pas la peine de rajouter des bugs, je pense que ta connexion merdique suffit en fait. En plus, profitons-en, elle fonctionne bien là. Ouais, mais clair. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu peux assumer, tu peux le dire. Non, mais j'assume rien du tout, non, mais ça va pas. Non, mais, nous sommes entre nous, tu peux dire mais, tout ce que t'as sur le cœur. Vous êtes fous. On est juste un tout petit peu sur internet, mais tu ne seras pas jugé, à part sur Twitter. Ah, mais, bon, sinon, bah ça va. On est que trois de toute façon. On est que trois, ça ne sort pas d'ici. Ah, bon, bah ça sort pas d'ici. T'inquiète pas. Bon, bah voilà, même pas en rêve ce que tu viens d'annoncer là. T'assumes pas encore, mais. Ah, mais. Non, après, vous êtes réconciliés tous les deux, là, ça y est, ça va mieux, l'amour est revenu. Oui, on s'est fait des bisous. Mais l'amour n'est jamais parti. Il faut un petit peu de piquant, tu sais, dans une relation, parce que sinon, c'est la ça routine qui est bien. Et si on était toujours d'accord, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier dans cette émission, franchement. C'est non, bien qu'on soit pas d'accord. D'ailleurs, ça y est, tu parles de tromperie, mais on a tous compris que ma femme, c'était toi. Bon, bah, dites-nous ce que vous en pensez j'essaye en commentaire, on sait pas. J'essaye d'imaginer la tête de vos enfants, avec des cheveux blancs. Tu vois, c'est toi qui m'as trompé avec un Quest 3. Tu vois, Sinoc, dans les Goonies, bah, c'est à peu près pareil, tu vois. En gros. Très bien. Et bon, bah, en tout cas, voilà. La dernière émission qui a eu lieu déjà il y a 3 semaines, parce qu'on est un petit peu à la bourre, malheureusement, à cause de maladies et plein de choses. Placez la justification que vous souhaitez. Il en manque un d'ailleurs, on lui fait des bisous. Oui, Rocco qui est au bord de. Soigne-toi. Au bord de ah, bah qui est dans le même état que j'étais la semaine dernière. C'est ça. C'est il t'en reste encore un petit peu. Tu parles encore Moi peu j'ai le nez bouché encore. Ouais, j'ai le nez bouché. Mais la semaine dernière, c'était même pas la peine. C'était encore pire. Donc c'est un peu pour enregistrer les news en vrac, les phrases, je les répétais 30 fois et puis je choisissais la meilleure. C'est ça. Bah, c'est un putain de gain de temps, ça c'est pas mal. Et on n'oublie pas Steph aussi, un bisou, puisqu'il est entre deux rails de farine, bien entendu, comme d'habitude. Exactement, de la farine. Des bisous à toi, Steph. C'est plein de deux rails de farine. Ce soir, c'est bien. De la vodka, des cachets, deux rails de farine. On a bien démarré, moi, je trouve. Ouais, je pense, c'est bien. C'est pas mal. Or donc, disais-je, la dernière émission qui a quand même fait pas mal discuter, qui a fait pas mal débattre, qui a mis un petit peu les deux pieds dans le plat, et donc du coup ça a fait réagir, c'est un petit peu ce qu'on souhaitait, et que ça amène des discussions et voilà, des échanges. Donc voilà, j'ai envie de dire, de toute façon, chacun, enfin, les avis, c'est un peu comme les trous de balle, hein, tout le monde en a un, donc nous, on a donné le nôtre. Et puis voilà, quoi, ça fait un petit peu avancer. J'ai raison et tu as tort. Bien entendu. Ça a été la conclusion de cette émission. Moi, tout ce que je retiens, c'est que t'es passé pour un gros con et moi pour un maître du calme et du zen. Ce que exactement. Je ne suis absolument pas, mais bon, en tout cas, voilà, j'ai le beau rôle, donc moi, ça me va. Hein. Mais j'ai le mauvais, ça me va aussi. Bah, parfait. Bon. En tout cas, voilà, il n'y a pas de chicane entre nous. C'est pas, voilà, non, on discute et c'est vrai qu'on préfère à la limite avoir des avis opposés et puis au moins avoir matière un petit peu à discuter plutôt que d'être tout le temps d'accord. C'est un peu chiant, quoi. Donc, Oui, si on est tout le temps du même avis, au bout d'un moment. Voilà. Et ça provoque. Et toi, t'en penses quoi? Ah bah, c'est génial. Je suis d'accord. Et toi, oh, c'est génial. Oh, je suis trop bien. Oui, je suis d'accord. C'est génial. C'est trop bien. Non, il y a un moment, c'est trop chiant. Ouais. Donc voilà, fini l'ego trip. Donc Verfar Player et donc le site internet autour d'un VR, le podcast de Verfar Player, ce que vous pouvez retrouver sur toutes les applications de podcast. Que vous pouvez retrouver sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre des pouces en l'air, vous pouvez nous remercier, on remercie nous même les gens qui nous remercient en fait sur la vidéo et qui nous donnent des sous. Écoute, trop de politesse. Non mais c'est des merci financiers, donc là ça compte, oui. Vraiment, tu vois. Ah. Donc voilà, on vous fait des gros bisous. Voilà, vous pouvez nous retrouver aussi sur le Discord quand vous voulez pour discuter avec nous. Vous pouvez nous soutenir aussi sur la page Tipeee qui est en page d'accueil sur le site Verfar Player. Vous pouvez retrouver, on en discutait un petit peu avant l'émission avec Laurent, vous pouvez retrouver les fiches des jeux PSVR 2 qui sont sortis, tout est à jour. Dès qu'il y a une annonce, en fait, vous allez dans les jeux PSVR 2 sur le site Verfar Player et vous allez trouver la liste de tous les jeux qui ont été annoncés, qui sont officialisés et ceux qui sont sortis dans l'ordre des sorties. Donc si vous voulez avoir des informations, les trailers, les développeurs, les liens vers les sites, surtout n'hésitez pas à y aller, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment mis en avant et je pense qu'on va réfléchir un petit peu à faire quelque chose justement pour proposer cet outil pour les auditeurs. Surtout que sur chaque jeu de chaque fiche, il y a le trailer du jeu, donc on peut voir déjà à quoi ça ressemble. Il y a un lien vers le PlayStation Store quand le jeu est sorti. Il y a un lien vers le site du développeur et il y a le lien vers la chaîne YouTube également. Donc, et plus une description. Donc, quand on cherche un jeu, au moins on a à peu près tout sous la main et on peut aller directement après sur le store pour voir, pour aller un peu plus loin, quoi. Voilà, parce que c'est un truc que j'ai déjà vu plusieurs fois en fait, où des gens se demandent pourquoi le site est un petit peu en jachère. En fait, il est pas en jachère, c'est qu'il bouge, mais que personne ne le voit. C'est surtout ça, qu'il est tout le temps mis à jour. Et Laurent, si vous voulez, il aime bien travailler, mais que ça se voit pas. Voilà, donc du coup, voilà, aidez-le un petit peu, essayez de montrer que son travail ne sert pas à rien. Et puis les fiches, en tout cas, sont. C'est un gros répertoire avec tout dedans. Le principe d'une bonne communication. Et voilà. On est les meilleurs en termes de communication. C'est connu, ça. C'est ça. On est les meilleurs pour se faire aimer, notamment par la communauté VR sur Twitter, etc. On est toujours mis en avant. On est toujours remerciés. C'est... Non, mais il n'y a qu'une chose. puisque tu relances le sujet, ça y est, tu cherches. Il n'y a qu'une chose qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il ne faut pas avoir d'avis tranché. Il faut aimer tout le monde. C'est ça. Et tu n'as pas le droit de détester quelque chose ou de ne pas être d'accord avec quelque chose, finalement. Il faut être en adéquation avec tout le monde. Après, c'est la mode d'aujourd'hui. Après VR for Bisounours. Après, ça n'empêche pas qu'il y a quand même des débats. Que tu as tort, bien sûr. Non, ça n'empêche pas que tu as tort. Je suis zen. C'est mon rôle. Oui. Non, ça n'empêche pas qu'il y ait des garde ouvertures. Garde ton rôle. Il y a des ouvertures vers des débats, en tout cas, qui nous ont été proposés et qui nous intéressent. Et il y a peut-être des petites choses qui vont être faites dans les semaines à venir. Sans en dire plus, parce que si ça foire, après, il va falloir se justifier, donc ça fait chier. mais en tout cas, voilà, on va en parler. On va en parler avec des gens qui ont peut-être des avis un petit peu différents sur tout ça. Et puis voilà, en tout cas, on va vous proposer des choses, et puis ça va être intéressant à suivre, et ça sera toujours pour le bien de la VR, donc voilà, ça va être cool. Après cette intro de presque 10 minutes hein, quand même, on va passer aux news de Laurent. On va vous laisser. Merci de nous avoir écouté. On vous remercie, et à dans, pas deux semaines, parce qu'on est tout le temps à la voir, à dans 3 semaines, ou pas. Non, les news de Laurent, vas-y Laurent. On va commencer par faire un bref récapitulatif des jeux probables. Donc les jeux probables, c'est des jeux qui ont été annoncés par leur studio de développement. Mais par contre, toujours très méfiant là-dessus, parce qu'il y a énormément de studios qui n'ont qu'un but, c'est qu'on parle de leur jeu. Et du coup, ils disent, est-ce que votre jeu va sortir sur PSVR 2? Bien sûr, oui. Ils disent oui à tout. Et au final, ben, ils l'ont jamais commencé et ils le feront jamais. C'est pour ça qu'on les met dans les probables, parce que c'est pas parce qu'un studio annonce que son jeu va arriver sur PSVR 2 qu'il va arriver sur PSVR 2. Ça commence à devenir plus probable si le studio l'annonce, mais en plus, PlayStation Store commence à le mettre en avant. Là, après, on passe dans les annonces. Fort probable. Et donc, voilà. Donc, parmi eux, on va peut-être parler d'une nouvelle version de Demeo Battles, qui a été annoncée sur PC et sur Quest. Bien sûr, rien sur PSVR 2, mais il va pas tarder. Il arrivera sur PSVR 2 également. Donc là, c'est des trucs qui sont juste probables. On sait qu'il déboulera en 2024 sur PSVR 2. On va dire que ça va être en début d'année. On n'en sait pas plus. Donc il fallait juste en parler. Il y a aussi la petite expérience qu'on avait eue sur. On avait fait une vidéo d'ailleurs sur VR4Player où j'avais m'étais amusé à couper du bois. Pour faire une planche, la Richie's Plank, pour se mettre au-dessus d'un immeuble de 80 étages. Et ben lui, ça y est, il y a le développeur qui a également annoncé qu'il allait le ressortir sur PSVR 2. On est comme des dingues. Alors bon, le mec, on comprend les développeurs. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils savent qu'à Noël, les gens vont avoir de la famille qui va se pointer. Donc il va certainement sortir en décembre, celui-là, à un prix à 4 euros. Ça va être un truc comme ça, ou 5 euros, je sais pas. C'est trop bien pour se marrer sur le dos du tonton bourré et puis lui faire croire qu'il va mourir. C'est ça. Il va passer une bonne soirée. Lui faire péter la télé. Ou lui faire péter la télé. Alors oui, faire péter, ouais, ça c'est typique le genre de truc pour péter une télé. Après, bon, bah, c'est, tu poses ta planche, tu prends ta planche, tu mesures ta planche, avec les sens, bah, tu vas dire ma planche elle fait cette taille-là, comme ça tu as la planche qui est remodélisée en 3D à la bonne taille. Et puis le but du jeu, bah, tu vois les copains se mettre sur la planche, en plus ils ont un peu picolé, c'est encore plus drôle parce qu'ils vont encore mieux casser la télé. Et ceux qui ont le vertige, bah, bien sûr, ils vont être tétanisés. Après ça, par contre, dans l'expérience, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Je crois qu'on peut voler d'immeuble en immeuble pour casser des ballons ou il y a un truc comme ça, mais je ne me rappelle plus. C'est génial. Bon, c'est un truc, tu fais le tour en 20 minutes, c'est plié. Hein. C'est plutôt un truc que tu achètes quand tu as du monde à la maison et pour t'amuser. C'est un jeu. Et après, il y a un autre jeu qu'on a mis également dans les probables, toujours, s'appelle Ascend Quest. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais vu l'anglais du gars, je me demande s'il n'est pas français en fait. T'as dit Quest? Si, c'est Farworld Studio. Hein. T'as dit Quest, ouais. Hein? Ah oui, alors le jeu s'appelle Ascend Quest. Ah, t'as par dit contre, Quest il... Majo, j'ai dit Quest. T'as pas un cachet? J'entends pas. Non, non, mais. si, bien sûr. Il a sa boîte de Lexomil, lui, il s'en fout, tu sais. Tu peux lui dire ce que tu veux là maintenant ce soir. Putain, hein. C'est ça qu'il faut que je vais aller les voir à la pharmacie. Je vais dire, vous avez pas une boîte de Lexomil comme ça? Une palette, s'il vous plaît. Donc, Ascend Quest, qui sort, attention, le piège, sur SteamVR et sur PSVR 2. Et pas sur Quest. Hello everyone. Chez. Donc, pourquoi il l'a appelé Ascend Quest? Mais attention aliens, aussi, ça donc, veut dire quête à la base. Un très très très petit studio, et justement en ce moment en fait, ils sont plutôt en train de lancer leur campagne Kickstarter pour financer le jeu. Ouais. Donc il y a bien un trailer, on voit qu'il y a eu du travail derrière. Voilà, c'est pour ça, c'est dans les probables. Si ça se trouve, il arrivera peut-être jamais, ou il arrivera dans 2-3 ans, je ne sais pas. Ils ont une chaîne YouTube qui n'est pas très suivie, du coup, mais ils communiquent énormément sur le système de combat, l'environnement, le monde, etc. Donc, c'est la chaîne est au nom du studio, donc Farworld Studio. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, du coup, directement par le creative director, je crois qu'il se positionne comme ça dans la hiérarchie, vous avez cette chaîne-là où il y a tout un tas de vidéos où il explique comment ça fonctionne et quel est son objectif. Voilà. En tout cas, c'est un jeu qui est en phase de Kickstarter, donc du coup, à mon avis, il est vraiment au début du développement. C'est ça. Et ça a l'air sympa, bah, ils ont besoin de ronds pour poursuivre le développement. Il a pas l'air vilain. Il a fait un appel de fonds, ouais, tout à fait. Il a dit ouais, venez me soutenir, voilà. Et justement, c'est pour ça qu'il propose toutes ces vidéos pour montrer le projet. Voilà, exactement. Donc le mettre en avant. Voilà, je cherchais le mot, le terme. Donc là, on a passé sur les probables. Maintenant, on passe sur les annonces. Donc les annonces, c'est vraiment qui ont été validées par le studio et également le PlayStation également. Soit via la chaîne YouTube de PlayStation, soit directement sur le PlayStation Store. Donc on a eu l'affiche de Ultra Wings 2 qui est arrivée. On en avait déjà parlé, on connaît le jeu. On avait Ultra Wings sur PSVR, un jeu de simulation, deux petits avions où on pète des ballons, où on devient un chasseur et on tire sur tout ce qui bouge. Le premier a eu un bon succès. Il y a un hélicoptère. Oui. Ouais. Oui, puis c'était sympa en plus. C'est une petite référence. Il y a un hélicoptère aussi où il faut décoller et réussir à atterrir sans se scratcher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc c'est une bonne nouvelle parce que le premier jeu avait été très bien accueilli. Quand le 2 était sorti sur PC et sur Quest, si je veux pas dire, mais ouais, je crois bien qu'il est sorti sur Quest également. Les développeurs en fait s'étaient fâchés avec PlayStation parce que, enfin, pas directement fâchés, mais ils avaient annoncé le jeu sur PSVR. Et puis il y a eu un jour, le développeur il a dit le jeu ne sortira pas sur PlayStation. Je crois que la cause qu'il avait mis en avant c'était que je crois que c'était une histoire avec les PS Move ou je sais pas quoi, il y avait un truc qui lui avait pas plu et du coup il avait dit ça sortira pas sur PSVR. Donc les joueurs PSVR n'ont jamais pu découvrir Ultra Wings 2, chose qui sera changée maintenant vu qu'il arrive. Après on continue avec un autre jeu PSVR qu'on connaît, Gun Club VR, donc c'est un stand de tir avec apparemment une physique sur les armes. Alors après il faut s'y connaître en armes, moi c'est pas trop, je suis pas super doué là-dedans, mais apparemment c'est bien simulé par rapport à tout ce qu'on peut avoir sur des armes. Toi tu t'y connais en batte de baseball. Voilà, moi je préfère les battes de baseball. Je préfère les battes. Et on tire sur des trucs en carton. Et là il y a une version Reloaded, donc une nouvelle version PSVR 2 qui va arriver. Le jeu a été annoncé sur le PlayStation Store. Je crois que c'était l'anglais ou je sais plus qui est. Ils l'ont annoncé en premier, mais quand on clique dessus, bien sûr, il y en a pas mal, notamment sur Reddit, il y en a qui se plantent parce qu'ils croient acheter la version PSVR 2 et ils arrivent sur la fiche PSVR. Et bien sûr, ils l'achètent. Et après, ils gueulent parce que ça ne marche pas sur le PSVR 2. Donc attention, le visuel, c'est bien le visuel de la version PSVR 2, mais quand on clique dessus, on va sur la fiche du PSVR 1. Donc c'est une grosse une boulette du PlayStation Blog, du PlayStation stagiaire. Store, du stagiaire. Donc pour l'instant, on sait juste ce qui va arriver, mais il ne faut pas le prendre tout de suite. Il n'est pas prêt. Après, on a celui-là, Corridor VR. Pardon. Non, ça, non, on ne sait pas. On sait pas. Est-ce que c'est on sait. Oui, mais si. Oui, mais il est tout seul. Je vais le sortir, c'est de la merde. Il a développé, il va avoir des problèmes, Mathieu, arrête. On le sait. Je suis désolé. Je sais pas si c'est pas un demi Bar Games, excusez-moi mais Faut arrêter. Ah, c'est un jeu. Ça a son style graphique déjà. Hein, voilà. Ouais, style graphique. Oui, c'est simple et coloré. Non, mais c'est les nouveaux développeurs. Faut leur laisser le temps de se faire la main. Non, mais on comprend. Je sais pas ce qu'on pourrait. Il y a quoi comme console qui nous sortait des trucs pareils? Parce que même la Nintendo 64, la Jaguar faisait mieux. La Jaguar. Ah. La Jaguar voilà. Avait des trucs low poly sans texture comme ça. Mince le comment ça s'appelle la puce qu'il y avait sur la Super NES aussi hein, on est à peu près pareil hein, tu prends Star Wing là la résolution a l'air meilleure au niveau des polygones on n'est pas loin hein. Star Wing oui c'est vrai qu'il était bien triangulaire lui. Allez on va dire Mario 64 mais Mario 64 il est plus poussé il me semble. Bref. le principe quand même c'est le principe du miroir apparemment c'est des énigmes à résoudre et puis tu vas pouvoir dans chaque pièce il y aura un miroir où tu vas voir ton toit dans le miroir qui sera inversé bien sûr et il va falloir interagir et tu vas même pouvoir passer à travers le miroir. Putain, mais faites comme si vous disiez putain waouh trop on bien on t'écoute je bois tes paroles en fait si j'ai pas les images franchement l'idée est bonne. Je suis désolé Lolo, mais juste la phrase que je lis, Corridor VR offre une expérience unique et passionnante aux passionnés de réalité virtuelle, quoi. Ils osent, hein. Ouais, ils osent. Disons que comment tu veux, tu peux pas défendre ça. Tu donnes à un commercial un produit comme ça. Comment tu veux Majo, si j'étais toi, je me la fermerais parce que sur Twitter, j'ai entendu dire que t'étais pas un vrai passionné de VR. Donc c'est vrai. Donc voilà. Ah, bah, donc t'aimes pas Corridor VR. Donc ça se dit passionné de VR et vous avez vu ce qu'il dit sur le Quest 3, ces enculés. Moi j'ai lu ça. Étant donné que je ne vais plus sur le réseau du chétan, enfin uniquement pour récupérer des infos, mais je n'interagis plus, j'étais même pas au courant. Mais oui, tout à fait, oui, c'est bien connu. Je confirme. Bref, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Allez, on va en parler d'un autre parce que Corridor VR, vous en avez rien à péter visiblement. Non, si, c'est bien. Il est bien ton jeu, Laurent, c'est bon. Là. On n'est pas les seuls, Lolo, on n'est pas les seuls. Arkane Edge, il a pas l'air si mal. De Vitrivius Technology, donc c'est ceux qui avaient fait. Merde, j'ai bouffé le nom. Shadow Legend. Que j'avais testé. Ah, alors, il était comment? Je me rappelle plus. Bah écoute, je lui avais mis 8 sur 10, visiblement. Donc à l'époque, j'étais encore enthousiaste et plein de. Tu aimais encore la VR? Plein de croyances. Pas encore aigri, quoi. Voilà. J'avais 10 ans de moins, c'est ça, j'avais encore de l'espoir aujourd'hui. Hein. On sait tous, il était très bien, ils avaient fait les choses bien, franchement, donc c'est pour ça, là, on passe sur un univers un peu plus Heroic Fantasy. C'était déjà Heroic Fantasy, il me semble, non? Ouais, mais c'était un peu plus sombre, c'était un peu plus, Dark Fantasy plutôt Dark Fantasy avec des fantômes, il y avait des espèces d'œils qui flottaient, enfin... T'avais des pouvoirs. T'avais des ghouls à un œil qui te sautait sur la gueule dans les corridors, ouais. Exactement. Sûr. Exactement. Après, on était sur un gameplay un peu. Aujourd'hui, si vous le ressortez, je pense que ça a un peu vieilli quand même. Mais. C'est à l'ancienne, mais c'est, comme les vieux RPG. Mais c'était vraiment sympa pour l'époque, et puis c'était plutôt bien fini, il n'y avait pas de bug de mémoire. La réal était plutôt bonne, donc non, j'avais passé un bon moment, donc je l'avais plutôt apprécié. Donc c'est pour ça que je suis. Relativement intéressé. Alors après, il y en a qui l'ont comparé un peu à Stormland dans les déplacements, dans les mouvements des ennemis et comment dirais-je, peut-être un peu dans le Stormland, dans l'univers. C'est surtout dans l'univers et dans le design en fait. Voilà. Le côté luxuriant autour et puis avec des robots au milieu quoi. Ça fait très Stormland effectivement. Alors moi je le trouve très très très chargé ce jeu. Il me fait penser, vous savez, les tapis d'Orient où il y a plein de choses dessus. Tu vois pas les détails tellement il y a de trucs qui te. Je trouve qu'il y a plein de trucs de partout et que du coup ton image elle est moins lisible que. Mais bon, c'est peut-être en voyant le jeu j'aurais peut-être un autre avis. C'est dans le fin. Après c'est sur un écran plat comme tous les trailers VR et c'est vrai que quand t'es dedans en général t'as tendance à plus te focaliser sur certains détails selon là où ton regard se pose. Je suis pas trop inquiet là-dessus. Par contre, oui, c'est vrai que là, pour une fois, on a un trailer qui ressemble à un jeu PSVR 2, on va dire. Il est annoncé PC et PSVR 2. Hein. Oui, il PC et PSVR 2, il n'est pas annoncé autonome. Quest. Après, c'est vrai que pour l'instant, on n'a qu'un trailer, mais pourquoi pas. C'est peut-être un futur bon jeu. Disons, quand on a vu le trailer, on s'est fait « Ah, dis donc ». Ça a l'air pas mal. Oui, et puis t'es vachement surpris parce que t'as tellement l'habitude de bouffer des trucs tout polygonaux que là tu dis qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le seul truc à la limite qu'on voit dans le trailer et qui a l'air un peu. Pour dire du mal du jeu, ça va être les combats de boss qui ont l'air d'être des combats en arène. En solo, dans des environnements purement fermés. Alors, il y a des. Comme Horizon, tu veux dire ? Boss, mais... Ouais, mais en déplacement libre, pour le coup. Ah. Et voilà, sinon franchement ça a l'air dynamique, l'univers a l'air plutôt propre, c'est coloré, alors à voir la taille de la map, quelles seront les interactions, il y a de la physique dans le jeu du coup, donc ça aussi ça pourra aider, donc franchement je suis plutôt hypé, voilà, plutôt intéressé par ça. À voir. Voilà. Ensuite, il y en a un autre qui va arriver sous peu, c'est Not for Broadcast qui est annoncé pour le 14 décembre 2023. Broadcast, oui. Broadcast. Oui, puis ça fait un moment, je crois que c'est une des premières fiches que j'avais fait parce que les développeurs l'avaient annoncé il y a très longtemps. Et maintenant, ça y est, il passe des probables dans les vraiment annoncés le 14 décembre. C'est un jeu à message. C'est un jeu à message et c'est un jeu qui a un thème derrière. C'est un jeu qui est sorti en plat déjà et c'est un jeu C'est une expérience narrative quoi, qui te met un petit peu dans des situations assez, assez inconfortables pour te mettre un petit peu l'attention. Bah c'est ça, t'as la pression parce que tu dois diriger le JT national de ton pays le 20h quoi, et donc tu es chargé de t'occuper du montage en direct. Donc tu vas avoir des personnalités, des hommes politiques, tu vas avoir des savants fous, tu vas avoir des stars qui pètent plus haut que leur cul. Et toi, le but du truc, c'est d'arriver à tout enchaîner. Quand ils disent des gros mots, il va falloir les biper. Il va falloir que tu fasses les enchaînements. Il va falloir que tu fasses attention que le politique, il va pas raconter n'importe quoi. Donc tu vas pouvoir brouiller ses paroles. Et en fait, c'est un truc où c'est que tu peux partir dans un délire le plus total à la Job Simulator où tu peux faire absolument n'importe quoi. Et puis te marrer tout seul en faisant le truc pour voir ce que ça fait si tu fais ça, je crois pas que ce soit le but justement du jeu. Si tu fais n'importe quoi, en fait ta partie elle est très très très très, très rapidement perdue. Je crois que c'est les mêmes développeurs que Papers, Please, qui était un jeu indé qui était sorti il y a quelques années où justement tu devais un petit peu gérer des situations inédites alors que le jeu te foutait la pression, te mettait des choix moraux, c'est ça, et obliger le joueur en fait à se poser des questions, voilà morales, et puis tout ça en lui mettant la pression pour qu'il réagisse le plus vite possible, quoi. Oui, mais ça va même plus loin parce que ton studio de montage est dans un immeuble et tu as des grandes baies vitrées, des fenêtres à côté de toi. Et tout en essayant de rester concentré à faire ton émission et qu'il n'y ait pas de problème, dehors, il peut aussi y avoir une troisième guerre mondiale ou une tornade ou des trucs comme ça qui vont t'attirer attirer le regard forcément. Et il faut que tu restes concentré parce que tu es en direct et il ne faut pas que tu te plantes. Le seul souci de ce truc-là, c'est qu'apparemment, ça sera tout en anglais. Donc, si tu ne maîtrises pas l'anglais déjà, comment tu vas repérer à quel moment il va falloir censurer des gros mots ou des choses comme ça. Tu vas repérer les fucks, mais pas forcément tous les mots. Donc à mon avis, c'est là où il sera relativement bridé, ce jeu-là, quoi. En France, en tout cas, ouais. C'est vrai que c'est un petit peu dommage pour ce genre de jeu narratif qui demande vraiment du réflexe, quoi. Donc bon, il déboule. Et après, on a les sorties récente. Alors, si je peux me permettre, juste puisqu'on était dans les bientôt dispo, les retards. Oui. De ceux qui devaient sortir, notamment Bulletstorm, qui était prévu pour courant de ce mois de décembre, qui est décalé à janvier. C'est ça. Janvier 2024 et Breachers également, qui a été retardé à je ne sais plus quelle date par contre. Breachers, c'est dans pas longtemps, je crois. Pour peaufiner, alors eux, ils ont précisé que c'était le contrôle qualité PlayStation qui n'était visiblement pas passé. Alors Bulletstorm, il déboule le 14 décembre 2023. On a Vertigo 2 qui a été aussi repoussé. Non, il devait. Bulletstorm devait arriver le 14 décembre. Finalement, c'est repoussé à mi-janvier. C'est encore repoussé, mi-janvier. Vertigo 2, il avait été aussi repoussé. Il est prévu maintenant pour le 12 décembre. Et après, qui c'est qu'on a eu ? On en a eu plusieurs qui ont été décalés. Mais Breacher, Tiger Blade qui est décalé au 22 décembre. Ah oui, qui a été repoussé aussi, c'est vrai. Et puis après les autres, je ne sais pas, mais et Breacher, mais je me rappelle plus la date. Breacher, ouais. Ouais, Breacher a été décalé également. En tout cas, des jeux qui ont une chance d'être un petit peu plus, un peu plus peaufinés à leur sortie. Donc c'est ça. Je mon pense avis, que c'est pas une mauvaise chose. Les développeurs s'en cachent pas. Je crois qu'ils ont compris qu'ils fonçaient dans le mur et qu'un lancement c'était important. Y en a qui en avaient rien à faire, qui y sont allés. Ils ont dit c'est pas grave, on rattrapera le truc. Et ça a pas forcément marché parce que quand on voit je sais plus comment il s'appelle le truc de karting. Comment il s'appelle déjà Je sais plus, mais oui, Galaxy Kart. Galaxy Kart. Mais ils sont taqués au niveau de la com, par contre. Ben, c'est ça, parce qu'ils ils reviennent de loin. Hein. Et putain, la première version, mais c'était même pas jouable, en fait. Moi, j'ai même pas réussi à finir un niveau parce que ma voiture était coincée sur un côté, quoi. Il est beaucoup mieux. Il a été optimisé techniquement. Il y a plus de circuits. D'ailleurs, il y en a un nouveau qui va arriver incessamment sous peu. Et là, en ce moment, ils n'arrêtent pas de faire mise à jour sur mise à jour pour essayer de rattraper. Mais le problème, c'est que c'est ça, c'est quand tu prends ton mauvais départ, derrière, tu rames, quoi. Et ça, c'est bof, quoi. Donc, ah, c'est tellement à la mode, c'est de nos jours, c'est d'actualité. C'est pas une question de mode, à mon avis, c'est une question d'impératif financier aussi pour les studios. Oui. Bon, oui. Est-ce qu'on met les pieds dans le plat directement pour Very Bad Dream? Ah ben, on peut en parler. On peut. Il y a une preview qui est sortie. Il y a une preview qui est sortie. Donc c'est 3D Creative, c'est un studio qu'on a déjà accueilli dans l'émission pour parler de leur précédent jeu. Very Bad Dreams, on vous en parle depuis longtemps, la première preview que j'avais fait sur PC de Bad Dreams. Un jeu prometteur, un jeu avec beaucoup d'ambition, mais un jeu aussi avec tellement d'ambition que pour un studio on va dire modeste, malgré toutes les bonnes intentions, c'est un petit peu compliqué de proposer beaucoup compliqué de proposer un produit on va dire final abouti exactement. Et c'est un petit peu ce qui se passe, quoi. Donc El Rocco a fait la preview, a bien aimé le jeu, bien aimé l'ambiance, a bien aimé les idées, a vu le potentiel du jeu, mais s'est heurté aussi à un mur de bugs au niveau du chapitre 3 qui lui a niqué complètement l'expérience de jeu au bout d'un moment. Il n'arrivait plus à avancer en fait. Il était vraiment bloqué, du bug vraiment sale, quoi. Pas du bug drôle, c'était du bug bloquant. Et donc du coup il a fait la preview avant d'arriver à ce chapitre là donc c'est pour ça qu'il a mis un petit disclaimer après sous la vidéo. On sait, ouais, dans la zone commentaire il y a un commentaire épinglé si vous l'avez pas vu, voilà, exactement, qui précise tout ça, ouais. Donc du coup c'est un jeu qui est plaisant au départ, en tout cas, voilà, qui est plein de bonnes idées et d'ambitions, et le studio derrière en plus écoute vraiment nos retours et corrige vraiment les bugs. Ils sont au taquet au niveau du patch. Mais il faut juste savoir que si vous avez acheté le jeu et si vous essayez d'en profiter, je crois qu'il y a VRKVR qui l'a platiné, je crois, il nous a mis le message aujourd'hui. Félicitations à lui. Mais du coup, ça a vos risques et périls, quoi. Ce sont des jeux, il faut peut-être attendre un tout petit peu quand même qu'ils soient patchés 3-4 fois. Avant d'y aller, quoi. Et puis même, on a un jeu dont on peut pas parler parce que il y a encore. Précommander, c'est le mal. Un jeu qu'on est en train de tester en ce moment et qu'apparemment, voilà, il est pas parfait non plus à ce niveau-là. Voilà, faut faire attention. Donc voilà, nous on souhaite, moi je souhaite, je parle vraiment en mon nom, pas au nom de VR4Player, à 3D Creative, vraiment, voilà, le succès qu'ils méritent parce qu'ils sont vraiment plein de bonne volonté et puis ils essaient pas de niquer les gens, mais. Et je sais qu'ils bossent derrière, donc du coup j'espère franchement que leur jeu va fonctionner. Mais bon, c'est pas pour évident. Pour remettre dans le contexte, ils avaient demandé un délai supplémentaire à PlayStation qui ne leur a pas été accordé. Voilà. Ils voulaient pas sortir le jeu comme ça, et en fait quand ils l'ont envoyé pour les phases de test, ils ont précisé que PlayStation leur avait refusé donc le retard, le jeu avait pas mal de problèmes et qu'il fallait faire remonter, que ça serait corrigé d'ici la sortie, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. C'est là où on se dit franchement, quand on parlait déjà les dernières émissions des protocoles d'admission de PlayStation concernant le 60 FPS constant, sinon si t'arrives à 59 et bim, tu reprends ta copie et tu la remets. Ils ont des critères des fois d'acceptation qui sont un petit peu bizarroïdes, quoi. Donc voilà, mais je sais que sur la version PC ils sont exigeants sur la fluidité, mais que sur ça, quoi, malheureusement, j'ai l'impression. Ah là, oui, il y a des trucs effectivement. Tu te demandes pourquoi, quoi. Mais ça fait des années que c'est comme ça. Ça, je sais pas franchement, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment ils sont plus pénibles parce qu'ils ont vu que leur catalogue il était en train de se noyer au milieu de des trucs quest de trucs autonome. Quest, ouais, ou on sait jamais en fait qui est en face, parce que on dit PlayStation, mais il y a plusieurs trucs différents, il y a plusieurs bureaux différents qui s'occupent du contrôle qualité. On parle de l'entité, on parle quel que soit le service, on parle de l'entité, oui, non, mais de toutes les strates qui valident. Est-ce que c'est la même entité qui gère à la fois les failles de sécurité? On a connu ça sur la Zelda avec la Nintendo DS, où grâce à Zelda tu pouvais faire rentrer des cartes piratées. Donc il peut y avoir un jeu qui est une faille de sécurité, et puis en passant par ce jeu, c'était Twilight Princess qui permettait de craquer la Wii, je crois. Oui, la Wii, exact, oui, c'est ça, c'est la Wii. Et sur la DS, je sais plus, mais c'était pareil. Et donc c'est pas des petites, c'est pas des comptes, c'est des contrôles. Alors ça c'est une possibilité. Donc ça c'est PlayStation QA qui s'occupe de ça. Après il y en a d'autres qui vont s'occuper de toute la partie bug général qui peuvent faire planter la console ou des choses comme ça. Et après ben bien sûr il y a le framerate où là ben ils imposent 60 FPS tout en sachant qu'on a des gros doutes sur certains jeux. À mon avis il y en a qui descendent en dessous, mais il y en a qui passent et d'autres qui passent pas. Je pense qu'il y a une différence aussi entre des gros studios et des petits studios. Je peux affirmer avec certitude que No Man's Sky aujourd'hui, il a des drops. Hein. Oui. Là, oui, des drops, des chutes du coup de fréquence d'image. Un jeu comme No Man's Sky, c'est sûr qu'il y a un moment ou un autre, il passe en dessous des 60. Donc après, bon ben, c'est vrai que c'est compliqué. Après, c'est vrai que t'as aussi des développeurs qui ont le sang chaud et d'autres qui disent rien. Ben, je pense tout à l'heure on parlait d'Ultra Wings. Je sais qu'il était carrément rentré dans les dents à PlayStation en direct sur Twitter. Je sais plus pourquoi, parce que pour une histoire comme ça. Donc après, bon ben, tu sais jamais. Tant que ça se passe bien, là c'est vrai que dans le cas de ce studio-là, si le petit studio avait décidé de le repousser, qu'ils n'ont pas pu, c'est pas très réglo, parce qu'ils auraient certainement mérité 2 mois de plus. Donc bon, à suivre. Maintenant, c'est surtout parce que c'est là où on voit les limites quand même de ce fameux contrôle qualité, parce qu'ils sont capables de laisser un jeu comme celui-là passer, parce que bon, enfin... objectivement parlant, on peut pas dire que le jeu il soit bon dans l'état actuel, parce que c'est pas normal de se retrouver face à des bugs. C'est pour ça que je disais que si ça se trouve, ils ont changé de politique. Parce qu'on voit Breachers qui lui, alors là ils se font pourrir parce que Breachers, les développeurs ont dit que le contrôle qualité était trop long et qu'ils n'arrivaient pas à passer. Et Bad Dreams, c'est l'inverse, ça va pas parce qu'il est passé et qu'il pouvait pas le retarder. Donc, je sais pas, il y a un truc qui est incompréhensible. Alors qu'il y a un mois d'intervalle, même pas entre les deux jeux. Quoi. Ouais, donc je sais pas, c'est bizarre. C'est un peu bizarre, ouais, effectivement. Ouais. Après, c'est sûr qu'il faudrait savoir le détail, pourquoi Breachers est retardé, pourquoi Bad Dreams n'est pas retardé. Et nous, on n'a pas les informations pour vraiment comprendre tout ça, quoi. Parce que c'est vrai que quand on nous annonce ou quand on vous annonce en fait des retards dans les jeux, pour nous c'est pas, enfin pour moi en tout cas c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que ça donne un petit peu le temps justement aux développeurs de peaufiner leur truc. On a vu tellement de jeux se fracasser parce qu'ils sont sortis trop tôt. Surtout Bulletstorm. Et Bulletstorm ou d'autres, je veux dire, tous. Non, parce que Bulletstorm c'est un cuveau et un cuveau c'est Green Hell. Et alors ? Eh ben Green Hell est sorti complètement foiré sur PlayStation VR 2. Ah bon ? Ah bah oui, il a été patché récemment, mais oui, à la base, il a été sorti très mal optimisé. Oui, et puis patché, mais j'ai l'impression qu'ils ont rajouté plutôt des nouveaux niveaux, mais je sais pas s'ils ont corrigé le flou et tout le tralala. Si, ça a été patché... Si. J'allais dire rapidement après, mais pas tant que ça. Mais oui, il y a aussi une mise à jour gratuite là, qui est disponible d'ailleurs depuis aujourd'hui. Non, Incuvo, ils ne sont pas réputés pour avoir fait du très très bon travail sur leur sortie récemment. Quoi. Donc, prenez votre temps. Alors oui, prenez votre temps parce que je sais de source sûre que corriger le flou, c'est pas évident. J'ai en pleine galère avec ma caméra qui fait n'importe quoi. Pour ceux qui nous écoutent, l'autofocus de ça ne fonctionne pas du tout depuis tout à l'heure, voilà. Il est tout flou. C'est bon, ça fonctionne. Touche plus à rien, bouge plus. Parfait. Ça sent le troll. Hein, voilà. Tu voulais faire quoi ? Nous dire oui, on est sur PSVR. C'est un effet de mise en scène. Tout est calculé, bien évidemment. L'anti-pancake. Ta webcam était en panne et je filme avec mon Quest 3 en fait. Mais oui, voilà. Bon, en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui sont sortis Oui, on va parler de celui-là parce que celui-là on l'a pas vu venir. Hein. El Puented, donc le premier. Je sais plus. Donc c'est Five Nights at Freddy's. Ben, bien FNAF. Sûr, le film qui vient. C'est une horreur quand tu dois rentrer le nom du jeu dans un article et que tu dois le dire plusieurs fois parce que c'est un mot clé. Five Nights at Freddy's, El Puented, Full Time Edition. Allez, tranquille, t'as deux lignes rien que sur le titre du jeu. Mais on a déjà parlé de celui-là. Oui, bah, c'est juste pour. Bah, on en a pas parlé parce qu'on a parlé du 2, nous. Parce oui, que le 2 était annoncé. Le 1 est sorti. Du jour au lendemain. Sans crier gare. Ça a été surprise. Le 24 novembre, boum, il est arrivé sur le store. Bien sûr, il y a le film qui est sorti. Alors, le film qui est critiqué. Je pense qu'il a déçu un petit peu. Je pense qu'il a cartonné au box-office américain, oui, notamment. Il a marché. Et je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est une bonne grosse merde. Voilà, c'est ce que j'avais compris. Je pige déjà pas trop l'intérêt de faire un film sur cet univers-là, mais. Eh ben, détrompe-toi en fait, parce que c'est un univers. Remplir les salles, parce que ça marche. Non, c'est un univers qui a déjà une fanbase. FNAF, ça a une fanbase qui est incroyable, qui est vraiment énorme. C'est un lore, une histoire entre les différents jeux qui est très, très, très. Beaucoup plus profonde en fait qu'on pourrait le croire. Ah mais attends, mais le premier qui est sorti sur PSVR 1, c'est pas le premier jeu FNAF ? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Au moins le 4 ou le 5. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a eu 7 ou 8 jeux FNAF différents. Ah ouais, bah alors je sais pas. Oui. Du tout. Avec des histoires. Je crois qu'on avait fait un article là-dessus, il me semble, où on en avait parlé une fois. C'est les histoires plus glauques les unes que les autres. En fait, il y a un petit côté creepypasta dans FNAF, justement, qui plaît à beaucoup de gens. Et l'intérêt justement de faire un film là-dessus, comme l'intérêt de faire un film sur Slenderman, sur toutes les creepypastas d'internet ou du jeu vidéo, ça attire des gens parce que finalement, si c'est bien raconté, si c'est bien retranscrit au cinéma, ça peut être vraiment vraiment sympa. Le problème c'est que là c'est pas le cas et que t'as Willy's Wonderland avec Nicolas Cage qui est l'adaptation non officielle de FNAF. Qui est 10 fois mieux, quoi. Et en plus, il y a Nicolas Cage, donc ça peut être qu'un bon film, j'ai envie de dire. Bah ouais. Ok. Et je suis objectif. Voilà. Nicolas Cage qui fout des patates à des animatroniques et qui boit des canettes en faisant du flipper. Lui, il a besoin de sous pour faire le plein de ses Lamborghini, lui. Et sans dire un seul mot dans tout le film, il sort pas une seule phrase. Ah, c'est une belle perf. C'est. Voilà. Tu devrais en prendre de la graine, ça y est. Surtout sur un podcast. Je suis zen. C'est bon. Ensuite. On continue dans les jeux qui viennent du PSVR. Drunken Bar Fight, le truc qui ne sert strictement à rien, où c'est que tu as envie de foutre le bordel en fait. Tu arrives dans un bar ou tu arrives dans un mariage. Ou dans un aéroport, et puis tout d'un coup, l'idée va te prendre de prendre un jeu de fléchettes et de planter la fléchette dans la tête de ton voisin, ou de lui casser une bière sur la tête pour déclencher une bagarre. Et voilà tout le principe du jeu. Donc, on y avait déjà joué sur PSVR, et il est revenu sur le PSVR 2, il est même disponible. C'est un défouloir. Il n'y a pas d'histoire, y a pas de. C'est juste. On casse tout. Voilà. Très bien. Ensuite, voilà. Je pense qu'on gratuit. Gratuit pour les possesseurs de la version PSVR je dirais que oui, mais je vais te confirmer ça dans les 30 secondes si ma connexion me permet d'afficher une page en moins de 3 secondes. Prends pas de risque, À la limite, on peut se poser la question, si on l'a déjà, bon, pourquoi pas le lancer, mais c'est vrai que t'as vite fait. Il est quand même à 18 multi, balles. Oui, il est multi, ouais. Il est quand même à 18 balles. Après, je sais pas où c'est que tu vois ça, que la mise à jour, une PlayStation, la question parce que j'en sais rien. Moi, je dirais que oui, mais il y en a certains qui le font payer. Donc, moi, je pose là, pas je la vois question qu'il y a parce que je m'en branle, hein, franchement. Si vous savez, dites-le nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Voilà. Exactement, voilà. Aidez-nous à rendre cette émission beaucoup plus professionnelle, s'il vous plaît. Alors, on peut pas avoir les réponses à toutes les questions. Hein. Je continue ou on passe à la suite? Parce qu'il y a Koi Koi aussi. Koi Koi. Vas-y, non, je le note parce que je vais foutre un trailer de ce truc-là. Koi Koi. Koi Koi Love Blossom. Love Blossom. Blossoms. Pourquoi c'est moi qui dois parler de Koi Koi? Ça correspond un peu à la page des top ventes Steam que tu nous as envoyé tout à l'heure, ça y est. C'est vrai. Pour la petite histoire, à la team, j'ai envoyé le top Steam en ce moment. Donc, sur une dizaine de jeux, il y a 3 jeux de cul. Voilà. Ça montre un petit peu le niveau du marché VR sur PC. Là, c'est pas un jeu de cul. Là, c'est juste des jeunes asiatiques dénudés dans une auberge thermale. Qui ont toujours ces positions quand même. Je sais pas comment elles font. Quand elles te parlent, elles se baissent toujours. Le number one sur SteamVR, c'était Hentai Hunter, quand même, le titre. Hein. C'est ça. C'est ça. Littéralement traduit, je crois, c'est chasseur de pervers ou un truc dans le genre. Donc bon. Je vais vérifier si ça a changé, mais je pense que je pense pas. Hein, c'est... Donc il y a quand même des bons jeux. Il y a Crossfire, il y avait The Seven Guests, du coup. Il y avait quand même deux, trois trucs intéressants. Hentai Hunter, bon, que... ah ouais, je suis en train de regarder la vidéo, donc je ne vais pas la mettre sur le podcast. Hein. Sinon, moins de 18. Allez, hop, ouais, terminé. C'est ok. T'as aussi donc Horny Teacher Want to quelque chose. Ça aussi, je vais pas le mettre. Donc, bienvenue dans la 69e émission des podcasts de Verfan Player. Ah, il y a The Seven Guests, ouais, effectivement, qui est aussi dans le top. Je t'ai dit, et Crossfire. Sur Asquad. Ouais. Voilà. C'était. Voilà, donc. C'était le point PC. Bon, Mais Koi, du coup, ouais, c'est. Koi, voilà, c'est pas un simulateur de drague, un peu, non si, c'est un truc dans le genre. C'est des amis qui se retrouvent dans une cure thermale. Des amis des sœurs. C'est des sœurs qui étaient. Qui vont voir une amie d'enfance dans une cure, une auberge thermale. Bien entendu, ben, ça va beaucoup parler parce qu'on sait que ce genre de truc, c'est sous-titré. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le prix de ce genre de production parce qu'on sait que, quand c'est japonais et en plus, on sait là, c'est des trucs à 40 boules. Hein. Ouais, c'est ça. 40 Attends, c'est 40 euros, boules, ça ouais, 40 euros. Ouais. Non, ah non, 39,90. Ah oui, parce que, ça change tout. Hors taxe. Et donc, c'est des jeunes héroïnes qui sont devenues adultes et qui maintenant. Et qui ont soif de connaissances. Voilà. Yamete Kudasai. Et après, ça va être du blabla. Et puis, de toute façon, ça ne cache pas le truc un peu de voyeurisme qu'il y aura, quoi, c'est sûr. Non, pas sur PlayStation. C'est pour un public japonais. Pas sur PlayStation. Ah, donc non, alors. Alors, pourquoi ils n'ont pas mis des robots à la place? Bah, peut-être c'est deux robots dedans. Et ça sera au joueur de le découvrir, ce qu'il y a dedans. Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires. Commencez à l'intérieur. Voilà. Et n'expliquez pas comment vous êtes allé dedans. Voilà. Bon. Voilà. voilà. Et bah, merci Laurent. Crois que. On reparle pas de Cactus. Non, c'est bon, Cactus. Non, on c'est a bon, une Cactus. Je pense que tu nous as suffisamment montré ton traumatisme il y a 3 semaines sur ce jeu-là. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour. En tout cas, il y a déjà une sacrée bonne liste de jeux qui sont prévus, officialisés et qui sont effectivement sortis. Donc il y a déjà de quoi faire. Moi, je pense, messieurs, que nous allons passer au test. On va passer dans le dur, on va passer dans le concret. Et on va commencer par The Seven Guests que Majo a pu tester. Oui. Que j'ai pu tester. Que Laurent a pu tester. Et donc, du coup, nous allons pouvoir tester. Tester, c'est un grand mot, mais collégialement. J'ai passé un petit moment dedans. On va pouvoir tester collégialement ce jeu. Et donc, une preview qui arrivait un petit peu en retard parce que Majo, il devait la faire déjà il y a un mois. Et il a pas pu la faire. On doit dire la vérité ou pas? Bah, bien sûr qu'on doit dire la vérité. On peut dire que je te couvre parce que t'as acheté un Quest et du coup tu joues plus à rien d'autre. Non, on peut le dire ou pas? C'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Non, bah du coup, ouais. Ouais, alors bon. Un peu moins de temps personnellement pour faire tout ça. Donc je me suis collé à la preview très tardivement. Je suis désolé, Majo. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. C'est un remake d'un jeu très très ancien, sorti dans les années 90. Sorti sur Amiga en 93, ouais. Je crois. Je l'avais dit, ouais, c'est ça, 93, et c'est sur CDI, je crois, et PC. PC Engine et Amiga. Dans son jus, alors je vous avais mis dans le... Dans la preview, j'ai mis quelques images de la version d'origine. Donc on voit quand même que la VR, c'est pas si dégueulasse que ça parfois, par rapport à ce qu'on avait il y a 20 ans, mais on est quand même proche de certaines productions qui sortent quand même. Il y a 30 ans, Majo, hein, je veux pas te mettre un coup de vue, hein, 90, 93, il y a 30 ans. Ouais, mais j'ai dit la VR... C'est vrai, j'ai dit il y a 20 ans. T'as dit il y a 20 ans, c'est il y a 30 ans. 30 ans, excusez-moi. Il y a 30 ans. Donc du coup, l'histoire, Henri Stoff, Stoff, pardon, pas Stoff, Henri Stoff, fabricant de jouets, donc qui est un peu joueur sur les bords, qui invite bah, des invités, des guests, forcément, chez lui, dans son manoir un peu spécifique, et chacun a sa petite chambre, et puis bah, il s'est passé des trucs un peu bizarres. Dans cet environnement, et puis bah, du coup l'objectif va être de découvrir ce qui s'est passé pour chacun des protagonistes, puisque en fait à la base il y a eu une disparition d'enfants, je crois, si je dis pas de bêtises, et tous ces invités qui sont venus par la suite eux aussi ont disparu et on sait pas ce qu'ils sont devenus de plusieurs enfants d'ailleurs, hein, parce que à un moment il y a quand t'es en haut des escaliers, c'est un truc que tu vois au tout début du jeu, tu vois qu'il y a paquet de portraits d'enfants, justement, où quand tu passes la lampe, dessus, t'as les visages qui changent et tu te rends compte qu'il y a un truc bizarre qui s'est passé. Tout à fait. Donc du coup, bah, pour trouver tout ça, donc comme tu le dis, il y a une lampe qui est un peu spéciale, donc qui va révéler, on va dire, une lampe spectrale, l'ambiance du passé. Qui va révéler ouais, l'ambiance du passé. Donc en fait, vous passez la lampe devant vous et ça va afficher. Ben l'état en gros d'il y a ben, l'époque, je me rappelle plus exactement quand ça s'est passé, c'est années 20, années 30, l'époque d'origine en fait de la vie de ce manoir en fait va se révéler sous vos yeux dans le faisceau de la lampe. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu arrives en fait dans un manoir qui est décrépit, qui est dégueulasse et qui est plein de toiles d'araignée, oui, de partout, et qui est en perdition, et quand tu passes cette espèce de lampe spectrale, ça te dans le faisceau en fait de la lampe, tu vois l'état du manoir comme il était il y a des dizaines d'années, quand il était vivant, propre, quoi. Avec voilà. Donc ça sert pour bah, pour découvrir pas mal de puzzles, pour réparer certains objets, donc pour tout un tas de choses, et ça se découpe en plusieurs petites pièces, et chaque pièce donc va avoir son lot d'énigmes réaliser et à solutionner. Et puis bah, une fois que toutes les énigmes en gros des pièces en question sont faites, la pièce s'illumine, et puis bah, vous pouvez passer à la pièce suivante. Elle s'illumine. Et en même temps, avec une petite mise en scène qui va révéler un petit morceau de l'histoire. Voilà. Elle s'illumine. Donc, et en fait elle se remet dans son jus de l'époque. Voilà. Donc propre. Exactement. Voilà, donc le but, il est là. Faire le ménage, donc. C'est ça. Exactement. À peu près. Retaper les lieux. Valérie D'Amido, du coup. Techniquement parlant, alors, on est sur quelque chose qui est plutôt propre. Y a du bon et du moins bon, comme je dis. Alors, il y a des textures qui sont absolument, bon, j'allais dire dégueulasses, mais non, on va peut-être pas exagérer. Il y a Survive pour ça, qui sont pas top, franchement, notamment les vitraux quand tu montes à l'étage, qui sont vraiment pas terribles. Le bois non plus est pas foufou. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sympas, genre le feuillage des plantes, enfin que j'ai trouvé plutôt pas mal, le carrelage. Les tapisseries au mur, voilà, enfin il y a des trucs qui sont plutôt propres, donc ça souffle un peu le chaud et le froid là-dessus. En termes de framerate, tout ça, il y a pas de chute, il y a rien du tout, on est sur quelque chose de relativement fluide. Il n'y a aucune reprojection. Quand tu tournes avec ton stick, l'image elle est d'une netteté sans problème. Il y a un tout petit problème de voile blanc et de voile grisâtre en fait quand tu es dans la partie délabrée du manoir, c'est-à-dire 90% du jeu. Il y a un tout petit voile en fait qui est un petit peu bizarre, grisâtre, voilà, un petit peu désagréable. Et une fois en fait, comme pour simuler de la poussière un peu. Ça m'a pas marqué ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait remonter. Et quand tu passes ta lampe, quand tu passes ta lampe, et ben en fait les noirs sont vraiment noirs, les lumières sont plus éclatantes, et du coup ça passe beaucoup mieux. Et je me demande si c'est pas un effet de style justement pour donner envie aux joueurs justement de progresser, de pas avoir cette image dégueulasse, mais c'est un peu bizarre quoi. Un effet de vieux. Un effet de vieux. Et donc du coup, techniquement, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. À l'époque, ça avait été aussi, donc le jeu avait été réputé pour sa technique de vidéo. Ouais. En fait, c'est des captures vidéo de véritables acteurs qui étaient retranscrits dans le jeu. C'était un des premiers jeux en full motion vidéo. Donc ils ont repris ce concept pour la version VR. Alors c'est plutôt pas mal, ouais. De loin. De près, c'est dommage. En fait, on peut pas vraiment s'approcher parce que dès qu'on est trop près, ça devient des corps éthérés en fait, et tu passes à travers. C'est représenté sous forme de corps éthérés. Et du coup, quand tu t'approches trop, c'est un peu comme si tu passais au travers, donc ils disparaissent. Tu peux pas vraiment profiter de près. Et il y a un petit aspect aussi, ondulation, enfin, qui est un peu bizarre parfois quand il parle, mais ça fait relativement bien le travail. Donc là-dessus, on est sur quelque chose de plutôt agréable à regarder aussi et plutôt net. Au niveau des personnages, si je peux apporter un petit truc. C'est un mix en fait de plusieurs technologies. Déjà, ils se cachent pas qu'ils sont très fiers du rendu donné sur les personnages. C'est un mélange, si vous voulez, entre le système de Elle et Noir. C'est-à-dire, t'avais les personnages en fait, leur visage était motion capturé, mais vraiment point par point, et en plus avec des vidéos pour pouvoir être ensuite reprojeté et collé sur un modèle 3D plus ou moins détaillé, et pour rendre le jeu d'acteur réaliste. C'est pas de la modélisation de visage, c'est uniquement en fait les textures qui ont été photographiées et filmées d'un perso qui sont collées ensuite sur un modèle 3D. Et ce modèle 3D qui est utilisé dans The Seven Guests, il est un petit peu similaire à ce qu'on peut trouver sur la photométrie de certains photogrammétrie. Voilà, c'est un mélange en fait de deux technologies. Le collage de textures sur des personnages en mouvement et la modélisation justement de personnages en mouvement en 3D et l'application de ces textures là filmées des acteurs réels dessus. C'est un mix de trucs. Et du coup, comme c'est une technologie quand même qui est assez neuve, ça manque un petit peu de précision. Il faut être dans un certain angle de vision pour pouvoir en profiter dans l'environnement VR dans lequel tu es. Quand tu t'approches, si tu t'approches trop, en fait, tu passes à travers et en plus, tu vois que les personnages disparaissent pour éviter que le joueur voit trop les défauts. Mais tu te rends compte un petit peu que voilà, ça manque un tout petit peu de finesse. Mais de loin, par contre, moi, j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Ouais, c'est bluffant. Ah oui, non, mais on est sur du photoréalisme. T'es sur du photoréalisme et surtout, le niveau de détail et la partie technique fait en sorte que t'as l'impression d'avoir des acteurs en face de toi. Voilà, volumétrique. Moi, ça m'a beaucoup amusé justement de quand ils discutent de me caler en face et puis tu passes un petit peu à gauche, tu passes un petit peu à droite, il y a quand même de la 3D dessus hein. Et ben, bien sûr. Et c'est vrai que tu arrives à un certain angle où ils disparaissent parce qu'il y a un moment où la 3D doit décrocher et forcément pour pas qu'on le voit ils les font disparaître. Mais non, moi j'ai été agréablement surpris par ce autant le graphisme du jeu en règle générale, je n'ai pas trouvé ça passe quoi, c'est chouette, ça va, c'est net, mais c'est pas, ça casse pas les barres à des barres. Par contre, ça c'est le côté qui m'a plu dans le jeu en fait. Bah techniquement, c'est quand même c'est la première fois qu'on voit ça en tout cas dans un jeu en VR. C'est une super bonne idée quoi. J'ai peur que ce soit un truc qui s'oublie un petit peu, justement comme la technologie qui était apportée dans Elle et Noir, c'est-à-dire que ça va être utilisé pour un jeu. Et puis voilà. Mais par contre, après tout dépend ce que ça coûte aussi à développer, et le temps, l'investissement, ouais. Le temps, parce que bon, il y a aussi des vrais acteurs. Il y a les vrais acteurs. Je pense que là, t'as peut-être des droits à l'image qui sont différents si t'as des vrais acteurs. Il faut avoir un budget derrière, oui, c'est clair. Je pense qu'il y a les vrais acteurs derrière. Il y a aussi l'utilisation de certaines caméras 3D et de plusieurs caméras 3D qui sont utiles justement pour gérer l'environnement, même si c'est sur un angle de 280 degrés, t'es obligé quand même d'avoir plusieurs caméras. Ils doivent sous-traiter ça. Ça reste un budget. Ça reste un budget, ouais, bien sûr. Pour un studio. Non, mais je veux dire, je pense pas qu'il y ait l'investissement du matériel non plus à prendre en compte. Je pense que c'est le genre de truc. C'est comme, je sais plus quel studio avait été motion capturé le jeu chez Quantic Dream. Quantic Dream. Ouais. Donc voilà, c'est le genre de choses qui sont sous-traitées. Mais en tout cas, c'est un truc bluffant et c'est un truc qui, en tout cas, si ça fonctionne bien et si au niveau des infrastructures, c'est facile à mettre en place, qui peut se généraliser, en tout cas qui serait intéressant de voir généraliser dans des cinématiques où tu as des personnages qui sont un petit peu plus loin, quoi. Ça pourrait être pas mal. Alors, ce que je trouve par contre, au début surtout, un peu moins vers la fin, un peu moins plus loin dans le jeu. Ouais, je trouve que c'est la mise en scène toujours, moi je trouve ça un peu compliqué d'être sur un spot fixe avec des personnages qui bougent autour, enfin. on est toujours sur quelque chose de enfin que j'ai des difficultés à accepter en VR en fait, où on en parlait quand on parlait de la PGW, où si t'as pas quelque chose à faire en fait, tu t'ennuies vite finalement dans les mises en scène. Et j'avoue que sur le début, bah, notamment sur l'arrivée des personnages, ou après quand t'as la première scène que tout le monde a faite, où là je trouve que c'est un peu long. Et après t'en as d'autres un peu plus loin qui sont, enfin, un peu plus mises en scène si tu veux. Donc j'ai trouvé ça un peu moins ennuyeux, un peu plus surprenant. Mais j'ai encore eu ce petit souci de voilà, je m'ennuie un peu pendant les disettes de tous les persos. Après, d'autant plus que le jeu n'est pas doublé en plus en français, donc il est sous-titré, donc tu peux même pas forcément trop profiter non plus de l'acting ou de ce que montrent les personnages, puisque tu vas lire le texte qui est en dessous. Après, c'est une ambiance très vaudeville et pièce de théâtre. Hein. Dans toutes les mises en scène, justement. Ah oui, tout à fait. C'est complètement théâtral, c'est complètement appuyé au niveau de l'acting. C'est très Cluedo, c'est très. Mais moi, j'ai beaucoup aimé justement cette ambiance-là. Agatha Christie, c'est. Alors attention, je parle pas de l'ambiance. L'ambiance, pour moi, c'est deux choses différentes. Je parle vraiment de l'aspect mise en scène et l'aspect contemplatif de la scène au moment où elle est comptée. Et dans la mise en scène, justement, c'est très théâtral, c'est très un peu surjoué. Ça caractérise beaucoup les personnages justement que tu croises, et c'est moi j'ai bien aimé perso. Je me suis pas ennuyé en fait en regardant ça. Ok. Et puis après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bah, tu parlais de l'ambiance. Alors l'ambiance sonore est plutôt pas mal aussi. Donc les musiques fonctionnent relativement bien. C'est pas des musiques qui restent en tête, mais par contre c'est des musiques qui sont très bien en fond en fait pour faciliter la concentration. Parce que bon, on l'a dit, c'est un peu, je sais pas si on l'a dit, mais c'est un puzzle game. Donc du coup forcément tu vas avoir besoin d'observer, de te concentrer, d'essayer des choses. Et je trouve que l'ambiance là-dessus colle parfaitement. On a ce sentiment de solitude quand même par moment, où il se passe vraiment rien. Enfin, il n'y a pas de bruit, t'es un peu tout seul. Bah, quand il n'y a pas la mise en scène, que tu cherches à faire fonctionner tes énigmes, à réaliser tes énigmes, t'as pas vraiment d'aide, si tu veux. Si t'as pas, enfin, t'as la mise en scène quand tu solutionnes, mais je veux dire pendant tout ce temps-là. Tu sens quand même que t'es un peu dans un manoir en solo, quoi. Enfin, ah oui, bah complètement. L'ambiance est. On n'est pas sur une ambiance horrifique, si tu veux, mais on est sur quelque chose d'un peu glauque. Voilà, c'est ça que je cherchais. On est carrément dans une ambiance horrifique. Hein. Tu passes justement ta lampe spectrale sur les tableaux, tu vois des détails qui changent, tu vois des personnages qui sourient sur le tableau normal, tu passes ta lampe spectrale dessus, tu vois des mecs décapités, quoi. Ça fait pas peur, c'est pas un jeu d'horreur, c'est pas du tout un jeu d'horreur. Ouais, c'est pour ça que je suis pas plus dans le glauque que dans l'horrifique. L'ambiance reste horrifique quand même. Hein. Tu mets justement la lampe aussi sur les visages des gamins, ils ont tous le truc barbouillé. Ça fait pas peur, ça c'est sûr et certain. Mais l'ambiance, c'est une ambiance horrifique, carrément. Bon, ok. Bon, j'aurais pas qualifié ça comme ça, mais ok. Et au niveau des. Bah, si, t'as même. Je sais pas si t'es arrivé à cette scène-là. T'es sur le spoil. T'as une scène un petit peu, je dirais, cauchemardesque dans sa mise en scène, où t'as deux personnages qui sont en train de discuter dans le hall principal. Il y a un moment, ils font des espèces de mouvements de pantins désarticulés. Sauf que comme c'est des acteurs, et ben en fait, l'effet est vachement, vachement saisissant. Au bout d'un moment, tu te dis. Ils ont arrêté de parler, ils ont arrêté au milieu de leur phrase, et puis après ils font des mouvements un petit peu saccadés, tu vois, bizarroïdes. Ça reste horrifique. C'est de l'ordre un petit peu du malaise, tu vois. C'est pas le ressenti que j'en ai eu, mais ok. Bah, peut-être en avançant un peu plus loin, du coup. Et puis voilà, donc les musiques, j'ai dit plutôt cool. Ouais, les doublages, donc voilà, tu parlais de l'acting tout à l'heure. Relativement aussi performant, cohérent, enfin voilà. Et on sent l'investissement du coup des différents acteurs sur leur scène. Et bon, ça donne quand même de la vie au truc, quoi. Voilà. Ouais. Oui, juste un petit souci, enfin un petit souci technique que j'ai eu, c'est-à-dire que j'ai essayé de jouer assis et tu peux pas jouer assis et j'y tiens vraiment à jouer en mode flemmard à ce genre de jeu-là et que t'as un mode assis, t'as un mode debout, c'est prévu dans les options du jeu. Seulement quand tu joues assis, bah t'es beaucoup trop bas et sur certaines énigmes en fait t'es obligé de te lever même en mode assis pour pouvoir interagir avec les éléments et que si tu avances un petit peu trop, et ben en fait t'as le décor pour éviter de rentrer ta tronche en fait contre le décor, par exemple quand il y a un meuble juste devant une énigme, et ben le jeu a tendance à glisser pour t'éviter et ça m'a un petit peu emmerdé. Il y a un petit souci d'ergonomie à ce niveau là je trouve dans le jeu. C'est dans de plus en plus de jeux ça d'ailleurs, ouais. Quand tu veux t'avancer en fait le décor suit ton avancée de manière à ce que tu sois pas trop proche de lui Et c'est un peu embêtant, il y aura un truc qui serait quand même beaucoup plus simple sachant qu'il y a des caméras quand même externes pour le PSVR 2, c'est à dire que quand tu commences à foutre la gueule sur un mur ou sur un élément du décor, et ben tu peux voir en fait ton décor réel même en noir et blanc. Ça pourrait être pas mal ça, plutôt que d'avoir justement cet effet de glissement en plus qui est un petit peu inconfortable quand t'es debout. C'est un petit peu dommage quoi. Et en plus ça t'oblige à bouger les bras, à tendre les bras encore plus pour atteindre l'élément. Et donc ouais. Il y a un certain inconfort et un problème d'ergonomie à ce niveau là je trouve. C'est vrai, je suis assez d'accord. Ouais. Voilà pour moi. Donc c'est dispo uniquement sur le store, hein. Pas de version boîte connue à ce jour. Si, Purps Game, il me semble d'ailleurs que El Rocco il a montré la photo de sa version boîte aujourd'hui, non? The Seven Guests, ouais. Il me semble. Non, c'était Teen Earth VR et je sais plus quoi avec. Putain, je sais plus où est-ce qu'il l'a mis en plus sur le Discord. Mais... Bon, en tout cas, ça coûte 30 euros. Il était en promo jusqu'à il y a pas très longtemps, jusqu'à il y a deux jours, je crois. Ouais. Donc ça s'est terminé cette semaine. Bon, il y en aura sûrement d'autres, hein, ça reviendra. C'est un bon jeu d'énigmes, franchement, qui se laisse facilement manger. On voit pas vraiment le temps passer. Voilà, donc moi je le conseille pour l'instant de ce que j'en ai fait. Bonne ambiance. Et puis voilà, c'est pas très cher. Ça reste fait avec, on va dire, amour. C'est pas le jeu de l'année, on va dire, techniquement toujours. Hein, mais techniquement, mais, c'est un jeu autonome. C'est suffisamment bien réalisé. Quoi. Voilà, il n'y a pas de bug. Voilà, on est sur un jeu qui est fini. Des petits problèmes d'ergonomie. Des petits problèmes d'ergonomie. Il faut le préciser. Ouais, mais qui n'entache pas la progression du jeu il y a pas de problème bloquant, si tu veux. Voilà. Et que même si t'es bloqué sur une énigme, en fait, t'as un système où tu peux trouver des petites pièces à droite à gauche dans les niveaux. C'est vrai. Et les utiliser pour que ça te file des indices. Et c'est bien. Mais c'est l'espèce de table de Ouija que tu as dans la première pièce, non? Que tu peux invoquer quand tu veux, non? C'est pas ça? Il me semble que je l'ai jamais utilisé. En fait, j'ai trouvé plein de pièces, mais j'ai jamais utilisé le système. Mais voilà, il y a juste des énigmes que j'ai réussi à résoudre. Je sais même pas comment en fait. C'est un bon petit jeu d'énigmes en fait, avec une bonne petite ambiance, un mélange entre le théâtre et Agatha Christie. Avec un petit côté horrifique démoniaque derrière, avec des petites scènes qui essayent de faire peur, mais sans non plus être du jumpscare pour terrifier le joueur. C'est un jeu. C'est pas Bad Dreams, quoi. Voilà, c'est pas du tout la même envie, en tout cas, des développeurs. Non, c'est vraiment un jeu plaisant, quoi. J'ai beaucoup aimé. Perso. Ok. Voilà. C'est mon ok de l'abandon, ça, Majo. J'aime pas que tu me piques mes expressions. Ok. Donc arrête de te venger, s'il te plaît. Ok. Ok. Entendu. Ensuite, on va passer. On peut passer à Vampire, la mascarade. Justice, Vampire the Masquerade. Vampire. La mascarade. Ouais. Alors pareil, où est-ce que j'ai mis ma petite fichounette? Je l'ai perdue. Donc là c'est développé par Fast Travel Game. Alors c'est édité et développé par Fast Travel Game avec un petit coup de main de VR Monkey. Aussi VR Monkey qui a fait le jeu de karting qu'on parlait tout à l'heure. Ah bah oui, Galaxy Kart. Galaxy Kart. Ils ont à leur actif VR Monkey, ils ont pas vraiment de gros jeux mémorables. C'est pour ça que ça faisait un peu peur. Donc après, je sais pas sur quoi ils sont intervenus, par contre. Bon, c'est un jeu autonome, clairement, comme l'était Seven Guests. C'est pour ça que il n'y a pas une énorme différence entre une version Quest et une version PSVR 2. D'ailleurs, avec Fast Travel Game, ils ont déjà commencé à faire ça avec, je sais jamais le nom, The Oblivion, Where's the Oblivion, Oblivion. On avait quasiment la même version entre le PC, le PSVR et le Quest 2. Donc, ils restent donc comme dans Where's the Oblivion, ils sont toujours dans le monde de comment ça s'appelle, Darkness. Comment il s'appelle déjà ce World of Darkness. C'est pas White Wolf, c'est l'éditeur en fait de jeux de rôle. C'est du jeu de rôle en fait, ça vient du jeu de rôle papier. Vampire à la Mascarade et je crois que Where's the Oblivion, c'était pas Loup-Garou, je sais plus. Ou Spectre. Non. Ouais, oui, Spectre. Mais ça restait dans World of Darkness aussi. Mais ça reste voilà le même monde que comme The Secret World, le MMORPG aussi, c'était le même monde quoi. En gros, c'est des fantômes, c'est des vampires, c'est des loups-garous, voilà. C'est tout ce bordel là mélangé quoi. En jeu de rôle. Alors ça rend plutôt bien quand on démarre le jeu. Il y a des beaux éclairages, des belles ambiances. Ça c'est après, faut pas regarder de près parce que là, quand on regarde de près, on se dit ouïouïouï. Mais globalement, ça passe. C'est pas un jeu à la texture léchée. Ah non, c'est clairement pas. Après, mais il a d'autres atouts qui vraiment collent bien au truc. Enfin, le gameplay, alors, apparemment. Ouais, et l'ambiance surtout. L'ambiance de Venise est plutôt pas mal, les éclairages sont plutôt bien placés, tu sens que derrière il y a un studio qui a des idées. Moi ce que je regrette, c'est qu'on ait rien de plus sur PSVR 2 et bien sûr sur PC à mon avis. Il n'est pas sorti sur PC je crois. Il n'est pas sorti, s'il sort un jour sur PC, je souhaite aux PCistes que ce ne soit pas encore la même version, parce qu'on sent que c'est une version tout simplement autonome. Tout de suite, de toute façon, tu le lances, tu vois tout de suite. Tu regardes le truc, c'est une version autonome, on a compris. L'idée, c'est que vous êtes un vampire et que vous allez avoir, comme tout vampire, une grosse soif de bouffer du sang des méchants. Par contre, il faut toujours faire attention quand vous mordez à la nuque de vous arrêter au bon moment, parce que sinon vous pouvez vous empoisonner et donc perdre de la vie. Donc il faut arriver à se contrôler pour se détacher de votre victime avant que la jauge que vous avez, je crois, sur le poignet gauche n'arrive trop basse. Et après, c'est vraiment de la furtivité. J'ai pas compris encore trop le principe de s'arrêter au bon moment pour sucer le sang. En fait, faut arrêter de boire avant que celui que tu suces devienne un cadavre. Voilà, je savais. Je sais pas comment le dire autrement. Quand tu suces le mec, faut que tu fais attention à un moment, parce que sinon tu fais attention que ta jauge ne tombe pas dans le rouge. Tu t'arrêtes de sucer. Un vampire, mais c'est pareil en fait. Un sang de cadavre, tu meurs. Mais j'ai j'avais pas percuté où est-ce qu'il fallait voir. Où est-ce qu'il fallait voir. C'est ce que j'ai fait naturellement, si tu veux m'arrêter au moment où la jauge de la personne que tu essaye à bloquer. Non, mais à chaque fois. De la personne que tu absorbes, c'est pas mal. À ce moment-là où j'ai compris. Je vais t'absorber. Plus ou moins compris qu'il fallait s'arrêter avant, mais j'avais pas vraiment pigé où est-ce que ça faisait plus ou moins. Enfin, c'est pas très clair, c'est pas très visible pour moi, du moins là où j'en suis pour l'instant. De à quel moment faut s'arrêter. Alors, quand tu l'aspires, tu as une jauge orange. Et sur cette zone orange, tu as une zone rouge en fait. Et ben il faut t'arrêter avant la zone rouge. Si tu passes dans la zone rouge, tu morfles. Alors ça, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça sympa parce que du coup, tu te sens super puissant parce que tu as des super pouvoirs et c'est ça qui est bon dans la VR, c'est de ne pas être... Tu vas pas t'amuser à jouer dans la vie. Donc là, tu es un super vampire, tu dis ça va être classe. Et puis, tu vas pouvoir te projeter sur les murs, faire des bonds de 15 mètres pour arriver à l'étage. C'est limite de la téléportation finalement. Mais c'est... Ouais, c'est bien... Donc ouais, la fulgurance qui te sert à sauter, on va dire, à esquiver certains obstacles, c'est le saut finalement, ni plus ni moins, puisqu'il n'y a pas de saut libre en fait dans le jeu. Ça te servira aussi à attaquer et ça va te servir à aller sur des points élevés qui te permettront d'observer la zone et d'appréhender, on va dire, la situation de manière différente, puisque tu as la version furtive. Ou alors la version bourrin comme moi, puisque accidentellement je suis tombé dans le vide et du coup je suis retrouvé en face de trois mecs et puis obligé de les attaquer. Il y a du corps à corps aussi, tu peux mettre des coups de poing et tu es surpuissant bien entendu puisque tu es un vampire. Et pour revenir un petit peu sur l'histoire, l'histoire de base, c'est une histoire de vengeance où en fait le père... entre guillemets, de tous les vampires, donc il se nomme Hakim, je crois, a été assassiné. Et en fait, à la base, tu pars à Venise donc pour découvrir le fameux de l'histoire, quoi. Voilà. D'où te vient tout ça. Donc, pour revenir à cette histoire de pouvoir, en fait, donc il y a la fameuse fulgurance. Et en fait, tout ça te consomme de la jauge, on va dire, d'énergie, et que tu peux restaurer en suçant le sang de divers cadavres. Ou alors de petits rats que tu vas trouver par-ci par-là dans les rues de Venise, en sachant que le sang des rats est pas le meilleur. Voilà, c'est pas celui qui te régénère le plus. En plus de ça, donc tu as plusieurs pouvoirs en fait qui vont être à ta disposition, donc que tu vas débloquer au fur et à mesure de l'aventure. Et tu as un arbre de compétences également que tu vas pouvoir personnaliser, qui va te donner donc des attributs spéciaux en fonction de comment tu vas avancer. Donc tu vois, je parlais par exemple de sucer le sang des rats. Tu as une upgrade en gros qui va te permettre de régénérer plus de vie en attrapant les rats plutôt que d'avoir à attraper des humains qui traînent par-ci par-là. Tu as un espèce aussi de quand tu avances, une fois que t'as passé le tuto, tout ça, tu as un espèce de hub en fait où tu vas retrouver, alors c'est un peu comme un sanctuaire, une église un peu délabrée, pareil je trouve que l'ambiance est folle dans ce lieu, c'est assez incroyable, où tu as un espèce de musée, on va dire, de ce que tu vas avoir découvert, enfin des objets particulier que tu vas découvrir tout au long de l'aventure. Et tu as aussi donc cette zone qui s'appelle je ne sais plus comment, où tu vas donc justement rejoindre cet arbre de compétences. Et je trouvais ça marrant aussi, où c'est une espèce de on va dire de motion gaming, où en fait tu dois serrer les poings pour te percer l'intérieur des mains, faire couler du sang dans une espèce de vasque, et c'est ce qui va t'ouvrir le portail pour aller dans la zone justement pour améliorer ton XP. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Techniquement, tu disais que c'était très propre tout à l'heure. Alors, c'est un jeu qui est, qui est annoncé 120 FPS natif, sans reprojection. C'est un jeu qui n'est pas doublé en français, mais qui est entièrement doublé en anglais, mais sous-titré en français dans les menus et dans les textes. Cependant, il y a un gros souci de il y a un truc bizarre sur les sous-titres qui sont très très difficilement lisibles en mouvement, que ce soit en marchant ou même quand tu bouges juste la tête, en fait c'est plutôt désagréable. Alors je sais pas vraiment d'où ça vient, je saurais pas l'expliquer, et tu as quand même malgré tout une légère reprojection, mais vraiment très légère, sur les mains. Donc c'est pas du tout gênant dans le gameplay pour jouer, mais par contre c'est vrai que pour lire, quand tu regardes un peu à droite à gauche les décors et tout ça, c'est pas du tout pratique. Et je trouve que ça par contre c'est un défaut un peu ennuyeux, quoi, qui j'espère, sera corrigé c'est un pas, jour ou l'autre. C'est pas nécessairement de la reprojection, mais... Bon, enfin, t'as un dédoublement quand même de l'image. Alors, j'appelle ça de la reprojection pour que les gens comprennent. Mais t'as un dédoublement de l'image, en fait, sur les parties texte, voilà, des sous-titres. Et sur les bras, par moment, t'as carrément tes mains, tu les vois comme si t'avais mis des lunettes en 3D bleu-rouge, là. Ouais. Tu vois carrément, sur tes doigts, tu vois que t'as plusieurs épaisseurs de... Et ça, j'arrive pas à l'expliquer. Des aberrations chromatiques. C'est pas une aberration chromatique parce que t'as pas cette différence de teinte, mais t'as vraiment l'impression que ta main, elle est décalée en trois mains superposées en fait. Et ça fait vraiment très bizarre. Et surtout que ça arrive et ça repart comme c'est venu. Il y a des fois, tu cherches à le provoquer et d'un coup, ça disparaît et puis après, ça va réapparaître n'importe quand quoi en fait. Après, c'est vrai que le PSVR 2 ne fonctionne pas comme un Quest 3, et ça, on l'oublie souvent. Un Quest 3, le fait qu'il ait des pancakes, l'image est calculée de base dans le casque, et elle est calculée sans déformation, en fait. Et elle est calculée déjà plate, et c'est les lentilles optiques. Une première lentille qui va déformer le machin pour avoir cette vision à 360, et la deuxième lentille qui va remodifier le truc. Donc c'est uniquement optique sur un Quest. Alors que sur un PSVR 2, l'image, elle est calculée, déformée, pour ne pas avoir à la recalculer derrière. Et du coup, parce qu'il y a la Fresnel qui va déformer l'image, et du coup, l'image est déjà déformée, En prenant en compte la déformation de la lentille Fresnel, et à mon avis, ça peut poser des soucis. Parce que là, quand on a demandé aux développeurs, ils nous ont clairement dit que le jeu n'avait pas de reprojection. Donc on appelle ça de la reprojection parce que ça nous fait penser à de la reprojection. Mais à mon avis, il y a un autre truc derrière. Moi, je te dis, au début du jeu, là, j'avais carrément les tatouages qui se détachaient de mes bras, et les bras, ça faisait vraiment bizarre. Hein. Et là j'ai dit putain, là il y a un gros problème, et le machin il va planter, c'est pas possible. Et puis ça s'est enlevé, et pendant 2 heures j'ai été tranquille, et puis après c'est revenu, et je l'explique pas en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, j'ai une petite question sur l'univers et vraiment la partie scénaristique du jeu. J'ai l'impression que c'est un jeu, on va dire, d'infiltration action, avec une toute petite minuscule composante RPG pour l'expérience du perso. Mais est-ce qu'il y a un petit peu quand même ce lore qui est apporté par Vampire la Mascarade, de tout le jeu de rôle, ou est-ce que c'est juste un décor prétexte à juste à évoluer quoi, et à faire un petit jeu en VR? Il faut connaître bien les autres jeux, moi l'univers. Je les connais pas. Non, après, c'est vrai que ceux qui sont fans de la franchise, ils vont certainement retrouver des trucs. Bah, nous, on les verra pas. C'est du clin d'œil, quoi, parce que Vampire la Mascarade, c'est quand même un monument du jeu de rôle. La Mascarade, c'est juste le fait, c'est la caramélia, en fait, c'est le fait de se planquer des vivants. Les vampires doivent se planquer justement pour pas être visibles et pour pas se faire repérer par les vivants. Est-ce qu'il y a une composante justement là-dedans? Est-ce que ça justifie le titre? Est-ce qu'il y a des civils Ce que je peux dire, c'est que oui, tu as des civils, puisque ça te sert de... c'est des gourdes. Hein. Ni plus ni moins, hein, c'est que tu vas en croiser. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça, je voulais en parler. Mais bon, étant donné que j'ai essentiellement fait le début du jeu, je me dis que peut-être ça va évoluer, mais... t'as des civils comme ça qui sont en solo et qui n'attendent que de se faire bouffer. Ouais. Et tu as pas mal aussi d'ennemis qui sont souvent dos à toi. Donc, ouais, c'est le syndrome des nouveaux jeux d'infiltration où tu vois des gardes en train de garder un mur, quoi. Regarder le mur. Voilà, donc oui, t'as des civils, mais voilà, comme je te dis, pour l'instant, c'est des gourdes. Donc après, à voir en avançant un peu plus dans le jeu, mais il y en a. Voilà. D'accord, mais il n'y a pas de composante RPG avec des dialogues, avec des choix de dialogue, avec des façons un petit peu détournées de régler certaines missions ou quoi que ce soit. Bah écoute, pas pour l'instant. Alors après, d'accord. J'ai pas fini le jeu, donc je vais pas m'avancer, mais pas pour l'instant en tout cas. Okay. C'est un petit peu dommage. Enfin, j'ai pas essayé le jeu, donc je. Pas pour l'instant ne veut pas dire qu'il y en a pas, mais pour l'instant j'en vois pas en tout cas. Ok, autre chose à rajouter au niveau de l'ambiance sonore, vous en avez parlé, de la musique Non, j'ai oublié. Alors, je parlais d'ambiance justement, et donc un peu, enfin, à l'instar de du coup de The Seven Guests, l'ambiance est très bonne et au-delà même. La musique colle parfaitement, encore une fois, à l'environnement, à l'univers et à ce que ça veut décrire. Et enfin, je sais pas, c'est pas une ambiance. Enfin, je sais pas vraiment comment décrire ça pour le coup, mais c'est quelque chose d'envoûtant en fait. Voilà, c'est c'est quelque gothique, chose... mais sans être, bah, sans être pompeux, quoi. Gothique sans être pompeux, ouais, c'est. Ouais, enfin c'est un peu nostalgique, c'est un peu morbide. À la fois doux, bah c'est à la fois doux et à la fois nerveux, si tu veux. Enfin, je sais pas comment c'est envoûtant. Voilà, c'est. Alors, y a la BO est dispo d'ailleurs complète sur YouTube si vous la cherchez. Vous tapez OST Vampires The Masquerade VR Justice, vous allez le trouver. Je trouve que ça colle vraiment bien à l'univers. Après, pour tout ce qui est paroles, doublage, etc. C'est propre de ce que j'en ai vu, oui, pour l'instant. Pas, ouais. J'ai pas non plus de bug sonore à déplorer pour le moment. Mais je trouve, voilà, en fait, la lumière, ce côté un peu rouge, un peu rougeâtre, tu sais, dans l'ambiance globale, et la musique couplée à tout ça, en fait, et plus ce côté un petit peu infiltration. Ben voilà, rajoute vraiment une ambiance, je sais pas, plaisante. Une direction artistique, en tout cas, qui vise dans le mille, quoi, j'ai l'impression. En tout cas, qui est bien, ouais, dans le thème. Non, c'est... Ça colle, voilà. Ça colle bien dans l'univers. Ça aurait mérité d'aller un peu plus loin, bien, mais pour un jeu Quest, c'est un très beau jeu Quest sur PSVR2. D'accord. Bah, au moins les choses sont claires, hein, c'est clair et net. Hein, ah oui, non, mais clairement, c'est et sur le prochain test, on va encore appuyer un petit peu c'est, le propos. C'est un jeu autonome, mais un jeu, à mon avis, autonome, pensé sur le Quest 3, qui est quand même deux fois plus puissant que le Quest 2. Du coup, l'environnement global du jeu passe bien, en fait. Qu'on soit sur PSVR 2 ou qu'on soit sur Quest 3, on pourrait dire oui, ça aurait pu être mieux là, la puissance de la PS5 l'aurait permis, mais malgré ça, on n'est pas en train de se dire dans ce jeu là putain c'est moche, jamais, ouais. On est toujours en train de se dire putain c'est bien éclairé, putain les ambiances sont bonnes, on avance, et on oublie ça très rapidement, et c'est là où tu vois qu'un jeu autonome peut aussi avoir un succès sur PSVR 2. Il a sa place. Voilà, dès lors, en tout cas, que la direction artistique est vraiment... Ouais, vous emballez pas trop, okay. Attention à ce que tu dis, Laurent, parce qu'il y a Majo qui est là. Faut y aller doucement avec lui, très doucement. Calmez-vous. Objection. Mais bon, c'est, d'un autre côté, c'est vrai que quand tu regardes de près, tu sais que tu n'es pas sur un jeu PSVR 2, c'est voilà, ça que je tu veux te rattrapes. Voilà. Ouais, en fait, quand tu regardes de près, tu te rends compte que c'est vraiment de la merde, quoi, parce que c'est de l'autonome. Et non, mais tu vois que, oui, un jeu comme ça qui sortirait sur PS5 en plat, il se ferait démonter. De toute façon, on va être clair, aujourd'hui, un jeu à la hauteur du PSVR 2, c'est Horizon, t'en as pas des masses. D'un point de vue technique, et puis c'est tout. Horizon, voilà, Resident Evil 8, Resident quand Evil 4, ça, ou Resident Evil GT 8, 7, voilà, c'est, ça GT c'est des 7, jeux c'est des jeux un PSVR. Jeu de bagnole, c'est encore un peu différent, mais... C'est des mais jeux voilà, PSVR. L'étalon, il est là pour qu'on soit à la hauteur de. Après techniquement, d'un jeu PSVR. En plus, c'est même pas méchant dans le sens où je le dis, parce que je dis la même chose de Red Matter 2. Red Matter 2, ce n'est pas un jeu PSVR 2. Pourtant, il est super beau. C'est là où si tu enlèves les textures de Red Matter 2, tu t'aperçois qu'il n'y a rien. Il est plus beau sur Quest 3. Ah, bon, ça je sais pas, mais c'est vrai que si tu pouvais avoir un bouton pour désactiver toutes les textures de Red Matter 2, tu verrais que c'est que des parties planes et qu'il n'y a pas beaucoup de besoin de puissance. Si ça fait illusion, pourquoi pas. Si la direction artistique est sympa, pourquoi pas. Et ça, et si ça marche, ça Red Matter 2, petits effets comme ça pour t'en mettre plein la gueule. Red Matter 2 marche très bien, voilà. Et je trouve que ce vampire marche très bien également, et je suis assez content d'ailleurs que dans le top 30, c'est pas nous qui avons fait les classements, hein, c'est des votes. Et je suis assez content que Vampire est arrivé bien placé, en fait. Alors qu'il est arrivé très tardivement, quoi. Par mais carrément, c'était un des derniers qui est sorti juste avant le vote deux semaines du top avant, 30. Début novembre. Et il mérite sa place. Franchement, il mérite sa place. Il y a un mois, voilà, c'est ça. Ok, donc du coup, c'est tout pour Vampire la Mascarade, qu'on vous conseille, quoi. Ah si, il y a un truc, j'ai jamais été capable de choper un rat pour lui sucer le sang. Putain, j'ai eu peur. Alors, ah oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé de ça. Alors, il y a le syndrome Alix pour choper les objets, à faire venir vers toi, donc. Ouais, tirer comme à la pêche. Ta main. Exactement. Sauf que, alors je sais pas si ça fonctionnait comme ça. Ça marche très bien avec des bouteilles, mais avec les rats, ça marche pas. Non, avec les rats, tu peux pas le faire. T'es obligé de te baisser et d'attraper le rat à la main de près. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ces objets-là, si tu bouges, en fait, tu ne peux pas les attraper. C'est-à-dire que si tu lances, en fait, si tu amorces la récupération de l'objet et que tu te déplaces, que tu te décales à gauche, à droite, que tu avances ou que tu recules, en fait, l'objet atterrira là où était ta dernière position, enfin ta position quand D'accord. tu as essayé de l'attraper, si tu veux. Et il te suivra pas, il atterrira pas dans ta main. Donc ça, je trouvais ça un peu dommage. C'est le cas aussi pour Alix, il me semble. Hein. Ah, je sais pas. Mais il me semble, justement. C'est pour ça que je dis. Tu posais la question, mais je crois que si tu chopes un objet, que tu donnes un petit coup de canne à pêche et qu'il arrive, en fait, il va suivre la trajectoire en fait de là où t'es. Si tu slides sur le côté, il te passe à côté. Hein. Ah ouais, non. Il me semble. Hein. J'ai pas. Donc du coup, faut l'attraper, soit rester sur place, soit avancer un petit peu pour le rattraper. Il faudra que j'y retourne et que j'ai essayé d'aller bouffer des rats. Mais... Donc du coup, il y a cet aspect-là aussi. Pour pendant 10 minutes, je me suis excité pour essayer de choper un rat. J'y suis pas arrivé, ça m'a gavé, j'ai fait autre chose. Mais ils s'arrêtent en fait au bout d'un moment, ils avancent plus. Hein. C'est pareil, c'est des gourdes. Hein. Ils sont là pour que tu les boives. Hein. Ils servent qu'à ça. Hein. D'ailleurs, j'en ai... J'en ai tué un sans le vouloir en plus, et je l'ai attrapé parce qu'au début je connaissais pas. Du coup, je l'ai attrapé, je l'ai reposé gentiment, proprement sur le rebord de la poubelle. Juste le fait de l'avoir posé, bouf, il est mort. Ah bon? Il a pas supporté le choc. Écoute, non. Ah oui, c'est vrai, et en parlant de ça, ça me fait penser. Aussi, petit pouvoir de. Alors, pas de télékinésie, mais de voyance, enfin de préconnaissance. Ou je de préscience. Et de préscience, voilà, merci. Et qui te permet, alors c'est une espèce d'aide, entre guillemets, et aussi une aide pour avancer dans l'aventure et aussi une aide pour l'infiltration, où ça va t'indiquer, alors en fonction de où tu regardes, en fait, quand tu, donc c'est avec la gâchette L2, en fonction de où tu regardes, en fait, ça va te dire plus ou moins où est-ce qu'il faut que tu ailles pour trouver ce que tu cherches, ou... Il y a une zone intéressante par là, etc. Et ça permet aussi d'afficher le cœur de tes ennemis, mais des personnes qui sont autour, de manière à ce que tu saches s'il y a des vivants, en fait, à tel coin de rue, ou à tel embranchement, ou à tel endroit, si tu veux, de manière à élaborer. Il y a un petit côté sniper élite, voilà. où tu vois l'intérieur de tes victimes. Quand tu tires dessus, moi, ça me fait plutôt penser à Vampire de Dontnod, où tu avais à peu près le même système. Dans les parties infiltration, tu pouvais voir en fait les battements de cœur de tes ennemis à travers les murs. Pour, tu le vois en orange, translucide, transparent, tu vois à travers et tu vois le cœur qui bat. Ouais. C'est ça. Et j'ai pas regardé s'il s'arrêtait quand tu tu l'avais bien sucé. Excellente question. Je ne sais bien pas. Bon. Excellente question. Je ne sais pas, mais en tout cas, question à laquelle je n'ai pas de réponse. Bon. À essayer. Et pour terminer, énormément d'options de confort là-dessus en est fourni. Il y a plein de langues, pareil, en traduction pour les textes. Il y a deux voix différentes, une voix féminine, une voix masculine. De couleurs de peau différentes aussi. Alors, j'avoue que la teinte, j'ai pas trop vu la diff. Il y en a un qui est plus blanc que l'autre, mais celui qui est moins blanc n'est pas forcément non plus ultra coloré. Donc voilà, c'est là-dessus, c'est du détail, mais c'est des choses qui sont possibles. Et aussi, tu peux jouer soit avec tes mains, soit avec tes bras. Voilà. Et les bras s'arrêtent au niveau des. Mais encore. On l'a dit tout à l'heure, je crois, mais encore un jeu qui est en position assise est des fois compliqué. Oui. Notamment pour attraper les rats par terre. C'est vrai que tu peux jouer assis, effectivement. C'est con, tu vois. Quand tu joues assis, c'est fou. C'est con qu'ils ne rajoutent pas justement un réglage de ta taille. Et il y a plein de jeux qui l'ont. Oui. Juste le bouton. Si tu joues assis, juste le bouton t'accroupir. Non, mais d'accord. Y a Arizona Sunshine Sunshine 2 qui va arriver. Je dis rien. Embargo. En position assise, tu as une molette. Tu pour régler ta On n'a pas le droit de le dire. C'est vachement bien. On n'a pas le droit de le dire. Voilà. Oh, C'est bon, ça sera coupé au montage. On va faire se striker à cause de toi, à cause de tes conneries, gros. Tiens, bon. Vous êtes vieille France. C'est le chef. C'est le chef. Bon. Bon, en tout cas, voilà, ça a l'air d'être une bonne pioche, mine de rien. Voilà, Seven Guests, bonne pioche. Vampire à la mascarade, bonne pioche. Justice. Ouais, ouais, ouais. C'est pas les jeux de l'année, encore une fois. Mais, non. Mais d'ailleurs, pas, ça me fait penser que. J'ai pas parlé de ça aussi, mais bon, voilà, c'est des jeux qui ont le mérite d'être plutôt bien dans leur ambiance et cohérent dans leur univers avec ce qu'ils proposent. Mmh. Voilà. Ok. Et on n'a pas parlé du prix, ça coûte 30 euros. Voilà. Ce qui est raisonnable. Ce qui est plutôt raisonnable. Mmh. Ok, et ben ensuite, pour faire plaisir à Majo, moi, je vais vous proposer un petit jeu Quest 3. Un petit test très très rapide, je vais faire très vite, je sais que ça va être très pénible pour toi, donc voilà, on va très très vite passer dessus. Bonne soirée Majo, à la prochaine, à dans deux semaines. Prends des cachets on prend un coup de vodka. Ah non, ça va l'exciter ça. Non, très rapidement, donc voilà, Assassin's Creed Nexus qui est sorti au prix de 39,99€ sur Quest 2 et Quest 3 et Quest Pro en exclusivité, qu'on avait vu à la PGW dans une présentation faite par les développeurs, qui est un jeu d'infiltration scandaleuse. Qui est un jeu d'infiltration de Ubisoft, de la série d'Assassin's Creed, et qui me plaît bien et qui a un bon goût d'Orvienzi. Pas parfait. Graphiquement, techniquement, on va mettre les pieds dans le plat directement. Hein, c'est l'autonome. Ça fait ramer le Quest 3. Ça fait ramer le Quest 3. On m'a dit que non sur le Discord. Moi, je dis que oui. Ça fait tellement ramer le Quest 3 que j'ai eu un crash total du jeu avec retour dans le menu du Quest. J'ai eu, non, c'est pas possible. J'ai eu saccade et j'ai régulièrement dans certains environnements, notamment en Grèce, de la saccade du son, mais en mode vraiment sale. Apparemment, il y a des outils justement pour éviter ce genre de choses, mais moi je joue en vanilla, hein, j'ai pas envie de me casser, casser la tête. Je peux pas croire ça à partir du moment où le Quest 3 est capable d'envoyer de la VR aussi qualitative que sur PC, PS5. Sur PS5. Bon, alors tu vas vite te calmer. Moi je l'ai lu. Tu vas vite te alors calmer, moi je l'ai lu, hein, donc je ne crois que ce que esprit. Je lis. Moi je te parle que de ce que, je connais, je suis pas en train j'ai de... du mal à croire ça. Mais je dis juste ce que j'ai. Donc voilà, ça saccade à mort dans certains environnements. Et puis qu'est-ce que t'as d'autre, oui, bug de son aussi à un moment, le son deux fois je l'ai eu, ça ne voulait plus fonctionner juste après un retour menu et puis retourner sur le jeu. Des fois le jeu rame tellement que du coup tu retournes aussi dans le menu de pause. C'est déjà arrivé techniquement. Je pense que c'est un jeu qui est complètement bridé par sa plateforme, à savoir l'autonome. C'est un jeu qui est les décors sont jolis, je trouve. Quand je dis décors, c'est pas les cartons de carottes comme on a vu à la PGW qui sont complètement plats et qui sont dégueulasses. C'est pas les personnages qui sont donc les civils qui sont des copier-coller qui se ressemblent tous et qui n'ont aucune vie. On est à des années-lumière en fait de ce qu'on peut trouver sur un Hitman 3. Mais par contre, tout ce qui est décor et tout ce qui est ville et tout ce qui est map painting et ambiance globale, moi j'ai été assez bluffé par le jeu. C'est-à-dire que t'as même des fois, à un moment encore en Grèce... Map painting, donc par définition tu parles d'un JPEG, rien de plus. Oui, bah comme dans absolument tous les jeux, que ce soit plat, que ce soit VR, c'est du map painting que t'as au niveau des décors, systématiquement. Dès que ça a une certaine distance, t'es dans une bulle. Ah mais distant. Ouais. Bien sûr, distant. Mmh. Mais ça fait quand même... Pas toujours. C'est pas vrai. Ah non, Red Matter 2, dans le fond, c'est tout animé. C'est pas une image. Bien sûr que si. Quand t'es sur la Lune au départ, c'est... bien sûr que si, c'est un map painting. Non, quand t'es sur la planète... la Lune de Triton, je crois. Ou quand tu regardes dans le ciel, tu vois la planète, elle tourne. Et tu vois les nuages sur la planète qui bougent, et tu vois dans l'espace, il y a des nuées de nuages qui bougent aussi. C'est pas une image fixe. Ouais, mais quand c'est assez près, quoi, quand c'est une distance un petit peu raisonnable. Ah non, c'est très loin. Parce que c'est... Moi, je te parle en tout cas dans Assassin's Creed, c'est pas au niveau des bâtiments, mais c'est au niveau, par exemple, de montagnes qui sont très très très distantes, ou alors de la Lune. Tu vois, ils vont pas modéliser la Lune pour... La Lune, oui, ça sert à rien qu'elle tourne, oui, c'est sûr. Mais je me souviens, et je mettrai l'extrait dans la version vidéo de l'émission, je me souviens d'une sortie justement d'un temple à un moment. où t'as la nuit qui est tombée, t'as le clair de lune justement qui est en train d'éclairer devant, et au niveau, comme on disait tout à l'heure, de la direction artistique, j'ai fait, et de l'aspect visuel global, je me suis dit, waouh, ah ouais, quand même. Bouge-toi les oreilles, Majou. Ça peut envoyer ça. Quand tu te rapproches des bâtiments, tu te rends compte qu'au niveau de la je vous ai quitté. Au niveau du polygonage, c'est très simple. Mais ça arrive à faire illusion, en tout cas dans les décors. Alors il y a juste certains bâtiments. C'est de la merde. Mais c'est tout un savoir-faire que les développeurs apprennent dans les écoles de création de jeux vidéo. Ah oui. D'arriver à faire l'illusion avec une PS2 ou une PS3. Ça s'appelle de l'optimisation par rapport au matériel. Alors ça reste de l'optimisation par rapport au matériel, et ça reste surtout un travail de direction artistique qu'on peut pas enlever à Ubisoft, et ça, que ce soit en plat ou en VR, ils sont capables de faire des décors où tu te dis waouh, ça fonctionne. Mais ça, par contre, j'en suis convaincu. Moi, tout à l'heure, on parlait de Fast Travel Game ou de End Dreams ou de Ubisoft. C'est des mecs, on leur dit, écoute, tu vas nous faire un jeu pour une machine de 30 teraflops. Les types, ils vont te faire un truc, ça va être une tuerie. Et là, le problème, c'est que avec la puissance du Quest, ils doivent faire de toute façon avec, ils n'ont pas le choix. Et c'est là où tu vois souvent le talent, c'est qu'avec, il y en a qui vont y aller à grands coups de louche, et les machins, ça va pas être très joli, pas très harmonieux, pas très bien éclairé. Et il y en a d'autres qui arrivent à faire ressortir d'un jeu comme ça, ils arrivent à faire ressortir une ambiance et tout ça. Le souci par contre que j'ai avec tout ça, c'est que sur PSVR, je dirais qu'on avait une sacrée variété de styles graphiques et de styles de jeu et de gameplay différents, que là, sur tout ce qui sort en ce moment, je trouve que c'est entre un Ghostbuster, un vampire, un tout ce qui arrive là, je trouve qu'ils sont tous un peu dans le même moule, en fait. Dans le cartoon. Et voilà, t'as l'impression de voir tout le temps les mêmes. Alors, c'est pas toujours les mêmes gameplay, bien qu'ils se ressemblent. On n'a pas des trucs de fou. On avait, je me rappelle plus comment il s'appelait, celui où t'étais assis sur une chaise et il fallait résoudre des puzzles, là. Je sais plus son nom, celui-là. On avait plein de trucs très très variés. Gravitationnel ? Non, où t'étais assis sur une chaise et tu devais. T'étais attaché sur la chaise et il fallait résoudre un puzzle. Statique. Et là, tout ce qui sort en ce moment, niveau gameplay, je trouve que c'est bien souvent, c'est du FPS où je vais tirer sur tout ce qui bouge. Mais parce que le motion gaming, Laurent. Et graphiquement, même si je dis que Vampire, je le trouve plutôt bien abouti par rapport à d'autres jeux, parce que l'éclairage est bon et parce que par moments ça fait le boulot. Mais on avait aussi des jeux sur la Vita qui faisaient le boulot avec. Donc c'est pas. Par contre, je trouve qu'ils sont tous un peu dans le même bain. Tous les jeux qui arrivent, là, ils sont tous. C'est pour ça que l'arrivée de ce Resident Evil 4 me fait souffler un peu, parce que là, je commençais à saturer sur tous ces trucs là, quoi. Parce que là, par contre, quand tu te balades et que tu vois un mur et que tu vas regarder la brique et que tu dis putain, c'est pas possible, c'est un rectangle, il y a rien de plus qu'un rectangle. Et tu le vois, mais après, quand t'es plongé dans l'histoire, tu essayes de faire abstraction, tu avances et t'as un peu l'impression qu'on t'a tellement habitué à bouffer un truc qui n'est pas fait pour ta machine, que c'est devenu une norme et que maintenant plus personne va oser faire mieux parce que la norme elle est là. Et moi je trouve qu'ils se ressemblent tous, en fait, qu'ils ont tous disons que je les détecte, mais à 100 km je les détecte. On peut pas non plus dire qu'ils soient très cel-shadés, Assassin's Creed. On voit les limites techniques, si tu veux, mais bon, on est quand même sur quelque chose qui ressemble à, on va dire, à un univers réel, quoi. Enfin, et ben le premier Assassin's Creed. Tu prends Vampire la Mascarade et tu prends celui-là, tu sens quand même qu'il y a une différence en termes Oui, c'est pas les mêmes jeux, c'est pas les mêmes éclairages, c'est pas les. Par contre, c'est vrai que tu peux pas t'empêcher de voir que. Certes, il est beau. Mais tu peux pas t'empêcher, tu dis c'est un beau jeu PS3 par exemple. Alors il est beau pour de l'autonome, parce que il est pas beau, hein. Enfin. Non, mais je veux dire pour de l'autonome. Oui, voilà, pour de l'autonome, mais c'est. Je répète, c'est marrant, le standard visuel, c'est Horizon, quand, R8, GT7. Quand la PS Vita a sorti ses jeux, Uncharted, Golden Abyss, personne se posait la question de dire il est beau, il est pas beau. On disait putain, c'est un jeu sur ma Vita, il est chouette. Parce que j'étais content, j'avais même pas qu'il était. Non, le non, problème. Non, parce qu'il faisait, il faisait illusion et t'avais l'impression d'avoir un jeu PS3 devant les yeux sur une portable. Oh non, tu voyais quand même que c'était limité. Oui, mais bon, mais personne ne faisait attention à ça parce qu'il n'y avait pas ce problème-là. Et pour en revenir à Assassin's Creed. Moi, je me rappelle quand j'ai eu la PSP, je m'en souviens, c'était ça dans ma tête, c'était une PS2. Hein. Excusez-moi, ça vous ferait chier que je finisse mon test là ou vous voulez continuer à digresser et me casser les couilles comme il y a 3 semaines dès que je parle du PS3. Non, mais je veux savoir si c'est une tradition ou pas en fait. Pourquoi tu t'énerves, Jay? Qu'est-ce qu'il est bougon? On peut plus débattre. Qu'est-ce qu'il veut cacher? Tout le monde croit qu'il est calme, mais en fait, il est bougon. Je m'énerve pas. Non, mais j'essaye de vous faire un test. Vous êtes parti là dans un délire de cell shading, de PS Vita là. Je parle juste des décors. Mais parce que c'est chiant. Alors attends, j'étais en train de revenir. Parce que tu nous fais chier, Assassin's Creed. J'étais en train de revenir. Non, mais je veux savoir. Par exemple, le premier Assassin's Creed qui est sorti en 2007. Oui. Et ben je le trouve plus beau que cette version là sur Quest. Très bien. Alors donc du coup je disais qu'au niveau des décors, donc t'avais quand même une certaine optimisation et puis un talent inhérent à Ubisoft pour voilà la direction artistique et te rendre certaines scènes en fait juste jolies qui fonctionnent bien. Alors après ça n'empêche pas que dans Venise par exemple on ait des espèces de tours où c'est juste des espèces de rectangles, de polygones et de polygones dégueulasses et qui sont au niveau du personnage et au niveau de ton environnement à 30 mètres de toi. Genre t'as des gros tas de merde comme ça qui sont en plein milieu du décor et qui fonctionnent absolument pas. Donc voilà, le jeu est quand même assez inégal de ce côté-là. T'as certains endroits où tu te dis waouh, ça fonctionne bien et d'autres où ça fonctionne absolument pas. J'ai l'impression, enfin après c'est... Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est de l'autonome, mais c'est surtout dans les environnements ouverts en fait où tu vas avoir les ce qu'on appelle les fils quoi, où tu vas avoir les défauts, tu vas avoir. Et ben non. Et dans les environnements fermés, plus quelque chose, enfin quand je dis fermé, plus cloisonné en fait, où tu vas avoir que c'est plus propre. Quoi. Et non, justement, c'est le contraire dans ce jeu-là, c'est que t'as certains passages avec des trucs vachement ouverts, avec des gros. Moi je trouve pas. Avec des gros bâtiments, avec des énormes bâtiments, des énormes temples, où tu vas te dire que là, ça vraiment, ça fait illusion et que c'est joli. Dans les intérieurs, c'est ultra vide au niveau de Boston, d'Assassin's Creed 3, et que t'arrives dans un espèce de pub. Le pub, c'est t'as des grands murs, trois chaises au milieu de la salle. Une cheminée et c'est tout et basta et un bar et c'est tout, c'est ultra vide et t'as certains passages ou certaines parties de la map où comme je te dis tu peux avoir des tours qui sont vraiment c'est même plus de la texture l'ODEF hein, c'est t'as quasiment pas de texture quoi, t'as de la couleur quoi, t'as de la couleur, c'est vraiment dégueu. Ensuite au niveau comme je disais tout à l'heure les personnages, les civils, c'est du copier-coller. Ils se ressemblent tous, il n'y a pas de vie, on est à des années-lumière de ce que pouvait proposer en termes de vie et d'immersion Hitman 3. Les ennemis, c'est pareil, ils ont vraiment des QI d'huîtres. Ouais, ça se voit. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent te repérer à travers les murs, mais par contre, si tu fais un bruit ou si tu butes un gars et qu'il y en a un qui se doute de quelque chose, en fait, il va te chercher, il va te dire qu'il va venir te chercher, il va se barrer de l'autre côté de la map. Alors, il va s'enfuir. Il a peut-être peur de toi. Peut-être, je pense que c'est ça. je vous cache pas que je suis en train de regarder en même temps du gameplay donc du jeu. Je vois même, et je suis pas médisant quand je dis ça, je vois même des PNJ, des ennemis en fait, qui quand tu t'approches d'eux, avant de t'approcher d'eux, ils vont être. On va dire légèrement de biais, décalé un petit peu, avec la possibilité de te voir. Et quand tu t'approches d'eux, tac, de suite ils tournent en fait et ils se retrouvent dos à toi, sans animation, sans rien. Alors, c'est pas vraiment ça que j'ai remarqué dans le jeu. Par contre, des personnages civils qui sont en train, par exemple, je sais pas, de bêcher avec une pioche par terre, quand tu te recules et que t'es à 10 mètres d'eux, la pioche elle disparaît ou alors elle vole au-dessus d'eux et ils font le mouvement saccadé. Ils ont plus rien dans les bras. Et au niveau du détail, tu vois, ils ont perdu je sais pas combien de polygones de détail. Et ouais, quand ouais, tu te rapproches un tout petit peu, ils baissent le framerate et tout ça, enfin c'est le principe. Ils récupèrent leur pioche, ils font leur truc, mais ça se voit, en fait, c'est très près que tu vois ce genre de détail là. Et donc du coup, c'est un petit peu choquant. Pareil aussi les objets comme des verres ou des vases ou des trucs comme ça apparaissent non détaillés assez loin, et seulement leur leur physique en fait apparaît en même temps que les détails. C'est-à-dire qu'il faut t'approcher à 3 mètres de l'objet, et donc du coup, là, le détail de l'objet arrive, et sa physique aussi. C'est-à-dire que ça te donne des situations des fois qui sont un petit peu bizarres. T'as des objets qui sont sur une table, de loin, tu t'approches, et les objets se mettent à sauter, parce qu'ils gagnent en physique, et donc du coup, ils savent plus comment se comporter face à la table. Et donc, ils se mettent à tomber par terre. C'est souvent, en fait, que t'as des petits effets poltergeist, justement, dans le jeu, qui peut te sortir un petit peu, quand même, de l'immersion. Et je pense que ça, c'est des trucs qui peuvent être patchés. Mais... C'est un jeu, là je vais passer au gameplay du coup, les combats on les a vus, hein, tu esquives, t'as moyen en fait de contrer des coups d'épée ou des coups d'albarde, de foutre des coups d'épée. Les combats ont rien de passionnant en fait, ils sont assez mous, même s'il y a plusieurs ennemis qui peuvent te taper en même temps, et ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal, surtout que c'est pas vraiment une tradition dans les Assassin's Creed, où en général ils ont tendance à être à la queue leu-leu pour te taper dessus. Disons que c'est pas du tout le cœur du jeu en fait. Le cœur du jeu vraiment c'est l'infiltration, mais avec des ennemis qui ont des QI de bulot, qui ont toujours tendance à vérifier et à surveiller des murs face aux murs, histoire de bien se faire buter. C'est fou qu'ils refassent tous les peintures en même temps, quoi. C'est ça. Y a un truc qui est bien, par contre, c'est la lame secrète, en fait, donc, qui est différente selon le personnage. T'as trois personnages différents dans trois époques différentes. Donc t'as Ezio, Renaissance Italie. T'as Cassandra, Grèce antique. Et t'as Connor, qui est aux États-Unis, époque des pionniers, comme dans Assassin's Creed 3. Et l'effet, en fait, quand tu butes un mec avec la lame secrète, est plutôt pas mal, est plutôt jouissif. C'est-à-dire que tu te rapproches, voilà, en mode infiltration, tu fous ton coup de lame secrète, et elle reste un petit peu plantée dans le corps, tu vois. T'as une certaine résistance, en fait, qui est donnée. Ouais, une petite inertie. Et voilà, exactement. C'est pas de l'aptique ni quoi que ce soit, c'est juste visuellement, et tu sens que pour sortir, en fait, ta lame, tu dois forcer un petit peu. Et bouger le corps. Donc ça, j'ai bien aimé. Comment ils sont les retours haptiques sur ce jeu ? C'est de la vibration, il n'y a pas de retour haptique. Je Clairement. Sais. Moi, je te réponds premier degré, hein, tu sais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Au niveau aussi, donc, pour continuer sur le gameplay. Souvenez-vous de Beat Saber, quand même. Non, pas Beat Saber, souvenez-vous de Paper Beast, concernant l'IA, que ça, c'est gourmand, très oui, gourmand oui. En ressources. Donc c'est pas possible. Là clairement il y en a pas. Voilà. Clairement il y en a pas. Oui non mais je. Mais on sent que la production c'est pas une production d'un Assassin's Creed normal, ça c'est sûr et certain. Comme tu disais tout à l'heure, le Assassin's Creed premier du nom de 2007 est plus joli que celui-là. Alors juste pour terminer au niveau du gameplay, il y a ce qui avait été mis en avant, c'est les déplacements libres et puis le fait de sauter de toit en toit, d'être très libre en fait dans tes déplacements, juste faire du parcours uniquement en appuyant sur un bouton. Franchement, des fois ça merde, des fois tu te pètes la gueule, tu sais pas pourquoi, mais en règle générale ça fonctionne plutôt bien et sous le casque ça te donne des bonnes sensations. Quand tu fais un saut de l'ange d'un point de vue qui est vachement en hauteur, t'as des petits kilis dans le ventre, hein, quand même, quand tu sautes, qui fonctionnent plutôt pas mal. T'as des parcours chronométrés aussi qui sont mis en place, que tu dois trouver un petit peu partout sur les maps, qui fonctionnent bien. Donc voilà, l'infiltration fonctionne bien, le parcours fonctionne bien, il a un goût de reviens-y qui est quand même... qui est preuve que le jeu est prenant, en fait, il reste prenant. Par contre, à côté de ça, t'as le côté technique, voilà, qui part en sucette. T'as le Quest 3 qui est complètement sur les genoux, en tout cas avant patch, il a toujours pas été patché. Il est complètement sur les genoux, vraiment. C'est un jeu qui aurait mérité quand même d'être prévu sur des machines un petit peu plus costaudes, comme la PS5 ou le PC. Et c'est vraiment dommage. Parce que l'ambiance est là, le gameplay est là, le plaisir de jeu est là, l'histoire est sympa à suivre. Elle est bien amenée. Ubisoft, ils sont quand même capables de faire des putains de décors qui fonctionnent bien et qui sont plutôt cool. Il y a un autre truc aussi, c'est que le jeu est intégralement en français, doublé en français. On retrouve les voix des personnages originaux pour les trois personnages et puis... Alors ça, par contre, félicitations. Voilà. Et d'autres voix de personnages secondaires, mais qui fonctionnent bien. Par contre, la voix des PNJ, c'est hilarant, vraiment. Déjà qu'ils se ressemblent tous. Mais en plus, t'as vraiment l'impression qu'ils ont enregistré des développeurs dans le studio pour faire les voix. C'est un mec qui fait, c'est un mec qui fait 8 voix. Non, en fait. C'est pas que. Alors, j'ai eu une fois deux meufs en fait qui se parlaient, qui se répondaient. Hey, salut, ça va? Ouais, ça va. Qui se répondaient dans la rue et qui avaient, et en fait c'était la même doubleuse. Ça, je l'ai eu une fois. Mais c'est surtout en fait. Bah tu vois. Ça, je l'ai eu. Mais surtout, j'ai eu des. C'est parce qu'il y en a qui sont plus doués que d'autres. Mais je pense, ouais. C'était pas la plus mauvaise en plus. Donc du coup, ils l'ont bien réutilisé. Mais des fois, en fait, t'as des. Tu sais, pour donner un petit peu de vie dans ton environnement, dans ta ville ou dans ton donjon, là, ils ont rajouté des textes, mais qui sont inintéressants et nanardesques au possible. Hein. Il fait beau aujourd'hui. Ah oui, il faut que je fasse mon linge. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a deux gardes qui sont en train de se parler pendant que t'es en train d'infiltrer et que t'attends qu'ils discutent et qu'après ils se barrent chacun de leur côté pour que tu puisses les buter, pour vérifier s'il y a, je sais pas, pas une crotte de nez sur un mur. Le texte, c'est complètement ça. C'est « Oh là là, moi je ne peux plus te blairer. Mais pourquoi tu me dis ça? C'est pas très gentil. Oui, mais je tenais quand même à te le dire. Méchant. Bon, eh bien, écoute, restons-en là. Parce que je suis méchant. » Et c'est exactement ça. Hein. Le même pourtant, et c'est vrai que pourtant... C'est hallucinant. Et ça... Ça, enfin, du moins pour Origins, je m'en rappelle, c'est une dinguerie, les PNJ et la vie bah oui. dans le monde d'Assassin's Creed, c'est quelque chose qui est quand même très important oui. dans les jeux classiques, ouais. quoi, enfin, traditionnels. Ah, mais il y a un côté nanardesque là-dedans, ouais, rappelez-vous comme les villes dans Assassin's Creed sont vivantes, et je parle pas des trois derniers, hein, je parle des anciens Assassin's Creed. Déjà, tu te baladais dans les rues, tu disais putain la foule qu'il y avait, d'ailleurs tu pouvais te planquer au milieu ouais, de la foule et tout. La foule, mais c'est pas autorisé sur un quest d'avoir autant de personnages en affichage. Mais c'est même pas la question d'avoir une densité. Justement, si t'as une densité de personnages secondaires et que t'en fais rien, ça ne sert absolument rien. Il faut qu'ils soient cohérents. Dans Hitman, ils sont cohérents. Oui, dans Hitman. Je me rappelle dans Origins, tu passais dans une rue, t'entendais un truc en fait, et ce truc te servait pour une mission plus tard en fait. Mm. Mais c'était une information que tu avais récupérée de manière naturelle dans mais le tu jeu. As ça. C'est-à-dire que tu as ça aussi. Le PNJ te sert. Tu as ça aussi des aussi fois. Dans ta quête. Tu as ça des fois. Tu as justement des zones d'espionnage, ils appellent ça, où tu vas te rapprocher de deux personnes ou trois personnes qui sont en train de discuter et ça va te donner. Non. Mais là, c'était pas une zone d'espionnage. C'était tu passais, tu récupérais une information de manière totalement aléatoire, en fait, sans être dans une zone demandée. Et en fait, tu te rendais compte que cette information pouvait te servir plus tard. C'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire qu'eux, ils appellent ça une... je crois que c'est un moment d'espionnage possible, tu vois, t'as un petit affichage sur l'écran pour te dire, attention, tends l'oreille parce qu'il y a un truc qui pourra t'intéresser sur ta mission. Okay, donc c'est pas dans une zone. Je vais redire... Non, j'ai compris ce que t'as dit, mais toi, t'écoutes pas ce que je suis en train de te dire. Tu dis... Si, tu me dis, le jeu te dit, c'est un moment clé. Moi, je te dis, dans ce que je t'explique, le jeu te dit rien. C'est toi qui, en écoutant ce qui se passe dans ton environnement, peux te dire « Ah putain, mais j'ai entendu ça de telle personne où je m'en rappelle, c'est là qu'il faut que j'aille, ou c'est telle personne qu'il faut que j'aille voir. » C'est différent, c'est quelque chose de plus naturel, enfin qui se fond dans le gameplay, si tu veux, c'est pas... attention, là tu peux écouter quelque chose, comme tu dis, c'est pas le jeu qui te le signale, c'est quelque chose de naturel. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais. Mmh, j'ai compris. Ouais. Ok. Et donc, du coup, en fait, t'as la même chose sur Nexus, sauf que c'est indiqué par un tout petit truc où le. Et c'est plus scripté, quoi. C'est un peu plus scripté, et le jeu t'indique quand même qu'il faut tendre l'oreille, justement, pour avoir un indice pour suivre ta quête. Là, tu vois, je suis sur une séance de feu d'artifice. C'est un peu moins organique, on va dire, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Je suis sur une séance là où il y a un feu d'artifice dans Venise, bon, ça reste... c'est relativement vivant, quoi, tu vois. Après, les PNJ, ils sont... Il n'y a pas un milliard d'interactions, si tu veux, tu vois, qui sont fixes non, sur les bateaux mais et les tout. Les PNJ, mais, c'est des... Ça reste quand même relativement vivant. Ça reste vivant quand tu t'approches pas trop, quand tu regardes pas trop, quand tu... C'est des poules. Quand tu passes de Hitman 3, justement, à ça, c'est un peu emmerdant. Et je trouve que c'est un bon jeu, il a vraiment un goût de reviens-y, je prends du plaisir. C'est un indice tout con, hein. Je me rends pas compte du temps qui passe quand je suis sous le casque sur ce jeu-là. T'enchaînes les missions, t'enchaînes les objectifs, t'enchaînes les époques, Ça fonctionne bien, c'est bien amené, c'est bien raconté. Le scénario toutes les deux heures, t'as quand même un rappel, non ? Je joue en filaire, donc je m'en bats les couilles. Et donc du coup, c'est... Mais ce qui m'emmerde. Quoi ? Attends, mais t'as acheté un quest pour jouer en filaire ? Et ce qui m'emmerde, on va pas recommencer. je suis content, je suis zen. Bien foutu ma merde. Non, mais tu vois, c'est un goût de reviens-y. Et le seul problème en fait de ce jeu-là, c'est qu'il est sur quest, quoi. Et que c'est un jeu qui a été calibré pour le quest, et c'est un jeu qui aurait mérité d'avoir des. Oui, c'est une commande. On sait très bien pourquoi c'est sur quest 3, mais il aurait mérité quand même un petit peu plus d'envergure. Hein, La base est bonne, mais la technique ne l'est pas. Alors, maintenant, si on prend le problème à l'envers, en tant que joueur quest 3 que tu es. Que tu ne veux pas forcément admettre, mais que tu es un joueur Quest 3. Pour le coup, Est-ce que cet Assassin's Creed est l'un des meilleurs jeux du Quest 3, ou est-ce que par exemple un vampire ou un, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre jeu le dépasse en fait? Je sais foutrement rien parce que j'ai pas essayé Vampire. Je suis un novice en Quest 3, c'est-à-dire que vraiment moi je découvre la VR autonome en plus après le Pico 4. Est-ce que Sanguin de Smoke est meilleur que ce Assassin's Creed? Non. Il faut dire les termes. Non, enfin moi, Sanguin de Smoke, moi, mais tu n'as pas de goût. C'est un jeu qui m'a pas du tout transporté, justement, contrairement à Assassin's Creed. Moi, je trouve juste que c'est un jeu qui aurait mérité d'être un peu plus léché au niveau des éclairages, d'avoir un peu plus de vie dans les rues, d'avoir. Je lui reproche absolument rien en termes de gameplay et de progression dans l'aventure, parce que je trouve que ça fonctionne bien. Les objectifs sont diversifiés. Traverser la rue en parcours, c'est vraiment le kiff quand ça fonctionne bien, en tout cas, et quand t'es vraiment dedans, ça fonctionne vraiment très très bien. Mais il manque un petit peu d'ampleur. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. Perso, la musique est super. La musique, c'est la musique des Assassin's Creed. T'es directement dans l'ambiance, t'es transporté. Moi, j'aime beaucoup la licence en plus, donc voilà, je suis vraiment à donf. Hein. Mais manque un truc, quoi. Mais c'est pas très grave, parce que là ils ont sorti Assassin's Creed Nexus sur Quest 3, et ils vont nous sortir Avatar sur PSVR 2, donc ouais, on espère. Mais tu te berces de 12 illusions. Bon, est-ce qu'on peut juste résumer, si tu as fini, Sei, est-ce qu'on peut juste résumer ce test par c'est bien mais c'est bridé par l'autonome? Complètement. Bon, voilà, donc et je l'assume, donc complètement. Et pourtant, il fait cracher le Quest 3. Est-ce qu'on peut résumer ce test par « j'avais raison » ? Mais c'est pas une question d'avoir raison ou quoi que ce soit. Mais qu'il est chiant, ce mec. Mais putain, mais je le supporte plus. Bon, on a dit qu'on était amis au départ, mais on peut le pragmatisme. Le pragmatisme. On peut dire que c'était de la couille, hein. On peut pas se blairer, en fait. Hein. Je me sors par les yeux, quoi. Aïe. Non mais par contre, rageant, très quoi. sérieusement, et en fait ça me fait plaisir d'entendre ça, mais c'est que ce jeu est bridé par l'autonome. Ah mais oui, voilà, mais c'est clairement. C'est tout ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que l'autonome c'est très bien, mais ça limite le développement pour beaucoup de choses. Est-ce que et pas que le visuel, puisque comme on l'a dit, on parle d'intelligence artificielle, on parle de physique dans le jeu, on parle de plein de choses. Je vais terminer juste sur un truc, c'est que ce que je me suis dit en fait à chaque fois que je jouais à ce jeu-là, c'est il aurait carrément sa place soit sur PC, soit sur PSVR 2, il aurait gagné justement en fait à être développé sur des machines un peu plus velues. Et du coup, j'étais tombé dans la semaine sur une interview qui était sur Uplay, où ils font quand même de la promotion des jeux VR sur Uplay, donc sur PC. C'est le launcher en fait d'Ubisoft officiel. Ils font de la promotion de jeux VR, mais ils ne proposent pas de jeux VR à l'achat, en tout cas, sur cette plateforme-là. Ils laissent ça pour Steam. Et dans l'interview en fait des développeurs dessus, il y avait une petite question que j'avais bien aimée qui demandait, mais qu'est-ce qui justifie justement le fait que ce soit développé pour autonome et pour Quest 2 et Quest 3 en fait, Assassin's Creed. Okay, alors la réponse officieuse, oui, parce que on c'est, la connaît parce que c'est la meilleure plateforme. La réponse officieuse on la connaît, laquelle... c'est parce que Meta nous a filé du pognon et donc du coup on a développé sur leur machine et basta. C'est clair. C'est une la réponse officielle des développeurs, c'est oui, mais on a vu dans les playtests que ces jeux-là en fait ne pouvaient être joués que sans fil, non filaire. On a remarqué que les gens étaient beaucoup plus libres c'est dans leur mouvement. N'importe quoi. Beaucoup plus libres dans leur mouvement pour ce type de jeu de gameplay. Donc du coup, on a décidé de le mettre sur autonome. La seule façon de jouer sans fil. Ce qui est de la couille, vu que le jeu, dans ses options dès le départ, te propose de jouer en statique assis. Et je joue, moi, en filaire assis, et ça fonctionne très très bien. Donc, voilà, on sait que c'est le chèque de méta, c'est très bien, merci méta. Ouais. Mais c'est quand même... Oui, et puis si tu vas par là, quid des casques reliés au PC sans fil? Oui, tu peux aussi, mais tout peut aussi. Mais ça, j'ai eu une discussion aussi, une réponse sur la dernière émission autour d'un VR. Au gars, je lui ai dit, mais si c'était si bien le sans fil et si ça fonctionnait aussi bien le Airlink, pourquoi est-ce que Oculus, ils ont arrêté les productions sur PC, quoi? C'est une mauvaise raison. Ça, c'est vraiment une mauvaise raison. Si ça fonctionne, ça n'empêche pas le développement sur des machines un peu plus velues. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, je trouve qu'il y a un petit peu d'hypocrisie là-dedans. Je trouve dommage qu'un jeu aussi bon, et je persiste à dire que Nexus est un bon jeu, que moi j'adore et qu'il a vraiment un goût d'or, viens-y, et que j'ai vraiment envie de le finir. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas eu la plateforme pour se... pour être plus beau, s'épanouir. Pour s'épanouir, pour être plus beau, pour proposer quelque chose d'un peu plus percutant, même s'il arrive à, quand même à proposer des moments vraiment waouh, et ça j'insiste là-dessus, et ben ça reste dommage, quoi. C'est un petit peu dommage. Surtout qu'en plus, dans cette réflexion-là, moi ce que je comprends pas, c'est que si on part du principe qu'un un gros pourcentage de possesseurs de Quest 2, Quest 3 sont des casual, donc qui ne joue pas forcément aux jeux vidéo, c'est pas forcément Assassin's Creed un jeu qui va leur parler. Ils vont peut-être préférer acheter un truc de squash ou un truc de yoga ou un truc de je sais pas quoi plutôt qu'acheter un Assassin's Creed. Donc, ouais, mais ça, ils l'ont déjà. Donc c'est vraiment un jeu déjà, c'est vraiment un jeu qui va intéresser plus des gens qui sont intéressés par du jeu, ou peut-être par des historiens qui aiment bien se retrouver. Et donc la question que je me pose, moi, c'est en admettant que Meta n'ait pas fermé ses studios de Lone Echo et tout le tralala, et n'ait pas eu cette logique de tout passer sur l'autonome, le fait de que Meta paye pour développer ce jeu sur PCVR, de toute façon, ça aurait servi le Quest 2 et ça aurait servi le Quest 3, parce que les gens sur Quest 2 et Quest 3, ils auraient joué à... Ils auraient dit, putain, il y a Assassin's Creed, bon, je peux pas y jouer en autonome, mais je peux quand même y jouer sur mon PC. Et c'est là où je me dis, il y a des fois, il y a des calculs que je ne comprends pas. Ouais, que je dis, je dis pas qu'il faut le faire sur tous les jeux, mais d'avoir quelques cartouches comme ça pour continuer de dire qu'avec ton Quest, tu peux faire des super jeux sur PC, c'est un argument de vente. Un truc auquel j'ai pas parlé qui pourrait justement répondre un petit peu à cette question. Alors je l'ai donc essayé que sur Quest 3, je l'ai pas essayé sur Quest 2. T'as des petits passages du jeu qui utilisent la réalité augmentée. C'est très c'est très très court. En fait, c'est les phases de hacking. En fait, tu t'incarnes un hacker qui va infiltrer Abstergo, donc les Templiers. Et ensuite, t'as tes potes assassins qui vont venir foutre le bordel. Avec et puis, un marteau pour taper sur la tête à René Latop qui sort de ton canapé. Ouais, non, c'est pas de l'air comme ça. Non, mais en gros, en fait, tu vois ton bureau, tu vois ton environnement réel, et tu dois déplacer après un petit peu à la Minority Report sur des petits écrans. Oui, mais ça, c'est le fait que ce soit une commande Quest, c'est un petit peu comme quand Naughty Dog, ils avaient une commande sur Vita, ils allaient se servir du micro quand on souffle dedans, ils allaient se servir de tout. C'est une feature. Comme quand, ils disent on a telle machine, ou d'ailleurs, comme Asobi, quand ils ont un truc à faire sur le PSVR, ils vont se servir vraiment de toutes les... Des fonctionnalités, parce qu'ils savent que c'est exclusif à cette machine. Mais je comprends toujours pas que... Et Meta, je suis d'accord avec toi, c'est dommage. Ne réouvre pas une section PCVR justement pour alimenter... et en plus, c'est un méga argument pour leur casque. Quoi. Moi, je vais vous répondre. Pourquoi tu veux qu'ils fassent ça alors que c'est déjà 50% du parc PCVR installé Proposer un meilleur produit. Alors, ils s'en foutent. Oui, un meilleur jeu. Ils s'en foutent puisque leur objectif c'est vendre du hardware et s'imposer. Ouais, mais c'est là où je suis pas d'accord, c'est que c'est vrai. Ça doit coûter moins cher en développement de développer sur Quest que sur PC. Oui, mais sûr. Un développement c'est sur PC. Développement sur PC. Après, sont obligés de pousser plus loin. Et après ça, le temps. Enfin, je veux dire, quand tu tailles ta haie chez toi, si tu fais un cube, ça va plus vite que de faire un rond. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc là, non, c'est pareil. Tout, les textures, tout est plus poussé de toute façon. Mais voilà, tu te rends compte un petit peu. Il y a moins de travail. Mais non, je suis pas d'accord. Tu te rends compte un petit peu du travail d'optimisation qu'il y a eu sur la version Quest, ouais, pour ce jeu-là. C'est différent, mais ça prend. Alors, est-ce que donc si je, donc j'entends ce que tu dis, mais donc comment tu expliques qu'il y a des jeux qui prennent 4, 5, 6 ans de développement et d'autres qui n'en prennent que 1 ou 2? Tu reprends un The Last of Us et tu le compares à parce que l'optimisation, parce que c'est le temps que tu accordes à la finition, les au peaufinage, les détails, et là moins t'as de ressources, moins t'as de pas d'optimisation, attention, mais moins tu vas avoir de peaufinage sur pas mal de choses. Tu peux pas d'aller plus loin les détails à ce niveau là je suis pas tout à fait d'accord avec toi, hein. Je pense que Je reprends l'histoire de Maé. Tailler une haie ronde, c'est plus long que tailler une haie carrée. Tu vas fignoler beaucoup plus, en fait, pour faire quelque chose qui te demandera plus de temps. Je suis pas d'accord, Majo. Alors, je sais que là, c'est pas l'Unreal Engine ou Unity qui a été utilisé pour Assassin's Creed, mais tu vois des studios indés sur PC notamment qui ont sorti des jeux qui sont absolument magnifiques grâce aux outils et grâce aux assets de certains moteurs graphiques. Par exemple, je pense à un jeu qui vient d'être sorti là sur, qui vient d'être offert sur Epic Game Store, qui ne l'est plus d'ailleurs quand le podcast sortira. C'est Deliver Us Mars, il me semble, oui, qui n'est pas techniquement le jeu, artistiquement on va dire le jeu le plus fou possible. Par contre, au niveau des textures, au niveau de la technique, au niveau des arrondis justement dans ton polygonage. Et de certains détails en fait de tes personnages, des effets de ray tracing, de tout. La branlette technologique et technique que tu peux balancer sur une grosse configuration, il envoie du bois le truc. C'est une petite équipe qui l'a faite. Ça n'a pas demandé, je pense, énormément de temps supplémentaire. En tout cas, ce n'est pas ces features qui sont un petit peu clinquantes et qui en mettent plein la gueule, qui ont demandé le plus de temps. Je pense pas que alors, je pense pas que je me suis peut-être mal exprimé, mais on en revient toujours à la même chose. Moins tu as de ressources disponibles, moins tu as de besoin d'utiliser ces ressources. Enfin, moins tu as besoin d'utiliser toutes ces ressources. Tu l'as dit toi-même, l'intelligence artificielle, elle est pourrie. Elle est aux fraises. Pas besoin de travailler. Bon, non, mais même elle est buggée. L'intelligence artificielle. Je pense qu'elle est buggée en plus. Les textures, elles sont minimalistes, donc t'as pas besoin d'intégrer des textures qui sont. Certaines textures sont pas mal. Hein. Mais pas la majorité, c'est ce que je t'explique. T'en as qui sont bien, mais t'en as qui sont lambda. Je reste persuadé, Majo, que l'optimisation, le temps d'optimisation. Là, tu me coupes la parole tout le temps, je ne peux pas m'exprimer dans Je me venge et je te cule. C'est qu'à mon avis, le temps d'optimisation et justement le parti pris graphique et les techniques qui a été pris justement et qui est visible et qui empêche le jeu un petit peu de s'exalter, en fait, a pris beaucoup plus de temps et plus une contrainte même pour les développeurs que de l'avoir développé sur PC en envoyant à fond les ballons et puis en proposant un mode ultra. Il y a la nature du jeu aussi qui est importante, c'est que tu te déplaces dans le jeu en 3D. Donc, tu as beau avoir des textures dans un Red Matter 2 où tu vas marcher, tu vas avancer lentement. Si dans Assassin's Creed, tu dois courir et que tu as des textures qui sont chiadées, le système n'aura pas la patate pour te les afficher au moment... Et ça va popper, en fait. Non, mais là, ça pop pas. Ça fait ramer la machine. Non, mais il y a quand même aussi le travail en amont de modélisation, etc. etc. Alors, je vais Ça aussi, oui. Les polygones, oui, ça pèse. Quand tu fais une forêt dans un jeu, on est d'accord que plus tu as de puissance, plus tu as de ressources, plus tu vas mettre d'arbres, plus tu vas mettre de buissons, plus tu vas mettre d'herbe qui va bouger, tu vas rajouter du vent, etc. etc. Moins tu as de puissance, moins tu vas afficher d'arbres. Donc moins tu auras d'arbres à positionner physiquement dans ton univers. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, ça prend moins de temps. Ouais, sauf que là, parce que je suis plus clair dans mon explication. T'es plus clair, mais je pense que tu te trompes quand même, parce que en fait, la PS5, ça marche pas pareil. La structure du jeu, notamment de Nexus, en fait, c'est des maps qui sont quand même assez petites, qui sont beaucoup moins monde. Enfin, c'est pas un monde ouvert hein, comme les Assassin's Creed classiques. Alors donc, je vais rebondir sur ce que tu dis. Les maps sont petites parce qu'elles sont limitées techniquement. Parce que ton hardware est limité techniquement et tu ne peux pas faire de map plus grande. Donc forcément, tu te concentres sur une map plus petite. Donc tu as moins de travail à faire, puisque tu as moins de superficie, on va dire, de mètres carrés, entre guillemets, à habiller et à décorer. Et c'est donc là que tu te trompes, c'est que je pense pas que justement taille de cette map soit un... C'est pas la taille qui compte. Ce n'est pas le problème de ce jeu-là. Le problème, c'est toutes les micro-optimisations que tu as, des tentures qui apparaissent et qui pop à 10 mètres, des personnages ou de la physique, des, oui, mais c'est lié. Des objets tout est lié. Qui pop à 3 mètres. C'est ça le problème. C'est le copier-coller vraiment flagrant des PNJ, c'est ça le souci. C'est pas la taille de la map. Je pense que mais cette oui, optimisation, ils ont la taille de la map, si tu veux. Ok, c'est une contrainte technique, mais qui n'est pas problématique parce que elle suffit à t'amuser, elle suffit à te déplacer, elle suffit à avoir des missions justement et de pouvoir te déplacer 300-400 mètres plus loin. Mais ça c'est pas le souci. Je pense que c'est lié au hardware, mais c'est pas ça le problème. Le problème vraiment, c'est cette optimisation de près quoi du jeu. Et oui, mais parce que tu es limité par ton. Et c'est pas ça qui demande du budget ou du temps. À mon avis, c'est cette optimisation justement technique des choses qui te sautent à la gueule. Oui, mais cette optimisation, tu es obligé de la faire parce que tu es limité. Moins t'es limité, moins t'as besoin d'optimiser. C'est pour ça que on dit, enfin, la majorité des joueurs comprennent pas. Donc c'est mieux, alors, c'est mieux de, donc du coup de développer alors, sur PC. C'est tout, oui, mais tout à fait. Mais parce que, mais on est d'accord, si tu veux, Laurent. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'un jeu, qui ne nécessite pas énormément de ressources, peut être zéro, enfin, peut avoir zéro optimisation et tourner sur la machine la plus puissante du monde. Par contre, plus tu te restreins à un matériel, à un hardware, plus tu es obligé d'optimiser, donc plus ça prend du temps. Donc c'est là où je veux en revenir, en fait, quand je te dis que plus ton hardware est faible, plus tu vas être soumis à ce problème d'optimisation, parce que tu es limité techniquement. Enfin, mais par contre... Et plus ça te prend du temps, et plus ça te coûte des sous et de la ressource, et donc forcément, c'est quand même plus simple de travailler sur PC et de proposer une version PC et une version autonome divisée par deux. Oui, je vois ce que tu veux dire. Dans ce sens-là, effectivement, comme je viens de... j'ai fait un... j'ai fait ce qui s'appelle un compte sans camp. Je viens de contre-argumenter mon propre contre-argument. Parce que t'as enfin compris. T'as enfin compris le truc. C'est formidable. Non, par contre, ce qui est flagrant aussi, c'est que le Quest 3 est bridé par le Quest 2, parce que Nexus est sorti également sur Quest 2. Du coup, le Quest 2 qui s'est vendu en masse bride le Quest 3. Le Quest 3 bride le PSVR 2 qui bride le PC. Et au final, c'est toujours le Quest 2 en fait le problème. Bah, je trouve c'est un peu dommage. Moi, je pense que c'est un jeu qui aurait mérité mieux. Et c'est visiblement pas prêt de s'arranger selon les premiers chiffres de vente qui sont tombés, puisque le Quest 2 c'est sur certaines plateformes mieux vendu que le Quest 3. À suivre pour voir, mais pour cette fin d'année. Ça dépend. Si il faudrait qu'il fasse un coup de maître, mais c'est probable que le Quest 3 se vende moins bien que le Quest 2. Ouais. Et tu vois, ça m'emmerde, et c'est en ça que les gens ont pas tout à fait compris le fait, et toi non plus, je pense d'ailleurs, Majo, le fait qu'on soit d'accord finalement dans le fond sur. Si, mais j'ai tout à fait compris. La place du Quest 3, j'étais en mode troll la semaine dernière. Enfin, troll, non, j'étais pas en mode troll, j'étais énervé. En mode énervé. Mais tu vois, moi, Assassin's Creed, voilà, je fais cet état de fait, justement, qui est évident et pour lequel on est quand même plutôt d'accord. Il y a Asgard Wrath 2 qui va sortir dans 2 semaines. Je vais avoir le même état d'esprit, c'est-à-dire je vais me dire le jeu est bien, il sera certainement cool ou moins aussi sympa à suivre que le premier. Je vais pas pouvoir m'empêcher de dire. Alors moi j'ai pas cet état d'esprit là. Il aurait mérité mieux quoi. Moi ils me sortent The Last of Us et ils me sortent The Last of Us 2 comme on a vu et ils me sortent The Last of Us 3 avec un look de PS3, mais putain, mais je casse tout. Mais la différence Lolo, c'est que moi je suis d'accord avec vous et la seule différence c'est que moi j'essaye. C'est ça la seule différence. Pour ça que tu t'appelles Sei. J'essaye exactement. Tout à fait. Et je pense, messieurs, du coup, qu'on peut aussi ne pas terminer, on peut continuer aussi. Non, j'ai encore des choses à dire. Alors qu'il voulait aller se coucher. J'ai une question à propos de ce Assassin's Creed. Est-ce qu'une suite est possible? Pas possible? Si ça se vend bien, oui, apparemment ça se vend pas trop mal, en tout cas d'après le store. Non, mais d'un point de vue narratif. Je l'ai pas fini. J'en suis à une dizaine d'heures de jeu. Bon, pareil, hein, tu mets, enfin, là, je mets plus de casque. Mais qu'est-ce qui m'emmerde les deux? 10 heures, donc 5 jours. Et donc. 5 sessions de jeu, donc. Je joue un peu comme je peux, ouais, quand j'ai le temps, en fait. Hein. C'est surtout ça. Mais le temps passe très très vite sous ce jeu-là. Ouais, j'en suis à 10-12 heures de jeu, un truc comme ça, et je ne l'ai pas encore terminé. Donc je sais pas si scénaristiquement ça vaut le coup. Je pense, oui, parce que de toute façon, c'est un petit peu un scénario valise. Qui a pas grand chose. De toute façon, maintenant les Assassin's Creed se suivent. Ouais, ça apporte pas grand chose au lore. Il y a pas de lore. Il y en avait un jusqu'en 2012. Hein, lore, après, maintenant, ils sont indépendants, en fait. Ça sert à rien. Donc, oui, je pense que s'ils se vendent bien, parce que c'est toujours une question de finance et de succès, il peut tout à fait avoir une suite, pourquoi pas, sur une machine un peu plus puissante, quoi. Ça serait bien. Ou sur PS5. Okay. Mais en tout cas, voilà, j'aime le jeu, je le trouve vraiment juste trop étriqué, quoi. Vraiment trop étriqué. Et il est capable du meilleur, comme des trucs vraiment. Oh, ça grippe, quoi. C'est un peu dommage. Merci pour cette réponse, mon petit. Là-dessus, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment. On s'est pas énervé. Hein. On a tenu nos engagements. On était calme. On n'a pas traité des mères, et ça, je suis assez fier de nous. Je dois vous l'avouer. Pourquoi? Oh, mais j'ai déversé tout mon sel la semaine dernière. Moi, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais t'as raison. Faut s'exprimer. On n'a rien dit sur Resident Evil 4. Mais c'est exactement ce dont je voulais parler. Et aussi. C'était pas censé être dans les news? Non, dans les news, on a parlé que tous les jeux Quest qui sortaient sur PSVR 2. Là, on parle donc d'un c'est jeu pas PSVR une news. Resident Evil 4. Non, donc il sort garde le 8 décembre. Pour la fin. Le 8 décembre. Il sort. Et il va tout déchirer, ah à mon avis. Moi, c'est pas ça le meilleur. Ah, c'est quoi le meilleur? Moi, le meilleur, c'est toutes les personnes qui ont suffisamment de goût pour mettre des jeux intéressants nominés aux Game Awards. Ah, mais c'est nul, Game Awards, c'est un entre-soi. Je m'en fous. C'est des votes. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Donc Resident Evil 4 est faite à partir de vote. Moi, je veux préciser quand même qu'au Game Awards, il n'y a que des jeux qui sont entre guillemets exclusifs PlayStation VR 2, mais c'est pas ça mon propos. C'est qu'il n'y a que des jeux en fait qui sont soit hybrides, soit techniquement au-dessus de ce qui se fait dans la grande majorité des jeux. Voilà. Et ça me fait plaisir. C'est tout. Et donc en nominé, nous avons Horizon Call of the Mountain, GT7, Resident Evil 8, Synapse et Humanity. Voilà. Oui, mais même là, c'est pas cohérent, parce que c'est là où on comprend que la VR est très méconnue de cette caste de personnes qui organisent les Game Awards. Carrément. Ils trouvent logique de faire des jeux, des catégories de jeux autonomes pour la cérémonie et des catégories de jeux PlayStation. Oui, ils font la distinction entre jeux mobiles, jeux PC, jeux console. Et en VR, ils ne la font pas. Donc c'est sûr que même le meilleur jeu Quest, oui, jeu service. Même Assassin's Creed Nexus, c'est un jeu autonome. Donc il faudrait une catégorie autonome. Parce que le marché est pas assez grand aujourd'hui pour faire deux catégories. Ouais, mais du coup, ils sont obligés de coupler les deux. Tu fais quoi? T'as un Resident Evil 8 d'un côté, et puis en face t'as Nexus. Qu'est-ce que tu veux? Qui peut pas lutter, le gars? C'est pas possible. Oh bah tu peux dire, l'année prochaine, il y aura Resident Evil 4 contre Resident Evil 4, mais non, c'est vrai qu'il était sorti il y a quelques années. Donc. Mais bon, bref, tout ça pour dire que je trouve que les nominés, en tout cas, quel que soit le gagnant, même si je pense que ça sera R8. Je préférerais que ça soit GT7. Moi aussi. Mais bon, je préférerais GT7 R8. Aussi. Et tout ça pas. Pour dire que voilà, je sais pas lequel des deux je préfère. C'est quand même ce qu'on demande. Je les aime bien tous les deux. Aujourd'hui, et ce qu'on est en capacité d'avoir avec les hardware qui existent en ce moment. Voilà. Donc j'étais content quand j'ai vu ça. J'avoue que ça m'a redonné un peu de baume au cœur, comme quoi il y a encore des gens qui ont du goût. Voilà. Il y a du bon en ce monde, monsieur Fredon. faut pas oublier. Ouais. Ce bon vieux 5ème vie. Bon, en exactement. Tout cas, voilà, Resident 4, donc le 8 décembre en VR. Resident 4, alors, c'est ce que je pensais, là, on va avoir la semaine prochaine trois grosses sorties, du coup, parce que ce Resident Evil 4, on n'avait pas de date, on ne savait pas quand c'est qu'il allait débouler. On va avoir Arizona Sunshine 2, on va avoir Arashi, il ne faut pas l'oublier non plus, ce petit Arashi, parce qu'il n'est peut-être pas si mal que ça. Il a l'air d'envoyer du pâté, donc on va essayer d'en reparler. Il envoyait du pâté jusqu'à ce que tu apprennes qu'il était questable. Oui, bah, c'est sûr que c'est ce qui fait peur. N'empêche que c'est un constat. Wanderer est questable aussi. Et oui, bah, c'est un constat et c'est ce qui fait peur. Parce que quand tu commences à savoir que le jeu est questable, tout dépend dans quel sens c'est développé. Qu'est-ce qu'ils vont faire, voilà. Ouais. Mais par contre, moi, ce que j'avais peur, c'est que le matraquage marketing de Arizona Sunshine 2 étouffe totalement Arashi, qui, à mon avis, risque d'envoyer pas mal du lourd aussi. Et au final, c'est Resident Evil 4 qui va les écraser tous les deux, quoi. Grosse licence, jeu plat, adaptation, CQFD, ce qu'on demande depuis des années. Qu'est-ce qu'on rabâche ? L'hybridation sur des machines PC et consoles, c'est clair que j'y crois, mais carrément, quoi. Plus qu'y croire, on l'espère. C'est le moins cher en termes de développement et c'est ce qui sera forcément pour moi le plus rentable. Ouais. Enfin, pas que pour moi d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs personnes qui le disent et d'autres articles qui en parlent. Et c'est la solution la plus simple. Et, on est sauvés, il y a des Américains qui commencent à dire la même chose. Oh, non, sérieux, c'est bien vrai, ça. Ils nous ont écoutés. Moi, je pense. Les précurseurs. Bah, je pense qu'on est un petit peu la graine vers Fort Player. On est la graine, petite graine qu'on a plantée dans le monde. VR. De se développer. Ça, quoi. Ça me plaît bien, cette idée-là. En toute humilité, bien entendu. VR4 Player, on plante des graines. Voilà, là-dessus, sur ces belles paroles, on va vous faire des gros bisous. On va vous dire dans deux semaines, ou trois, hein, parce qu'il y aura peut-être encore un malade ou je ne sais quoi. Dans deux semaines, on n'en est plus sûr de rien. On aura plein de jeux aussi encore à tester. On a des bonnes choses qui arrivent, un petit peu plus vide, mais ça on vous en parlera dans deux semaines. Là-dessus, on vous rappelle. Et Arizona Sunshine la semaine prochaine. On vous rappelle que. Arashi, la semaine la prochaine. VR, c'est que de l'amour. Arashi, la semaine prochaine. Que de l'amour. Et puis, effectivement, des gens qui te coupent la parole tout le temps parce qu'ils ne savent pas se tenir et que c'est des sagouins. Quel manque de respect. mais, n'est-ce mais... pas Ah, je l'attendais, celui-là. Ah bon, on l'a pas fait ce coup-ci. Donc voilà. Mais on s'aime et c'est bien ça le principal. Et on vous fait des gros bisous. On vous aime aussi. Et puis à bientôt. Toujours retour en AVR. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Allez, parfait. Moi, faut que j'aille pisser. Hein. Vous êtes con, gentil. Ah, d'accord. Ça, tu le gardes pour le bêtisier, s'il te plaît. Non, j'ai quoi, faut que j'aille pisser. Oh, j'ai chié. Bon. Ma femme qui me voit passer avec ça tout à l'heure, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est pour l'émission. Et ton carton, tu l'as fait exprès pour l'émission aussi? Ouais, elle me dit, mais qu'est-ce que... Elle a vu ça, elle me dit, mais qu'est-ce que t'es con. En fait, c'est trop bien tombé, l'intro. C'est trop bien tombé. J'ai calculé mon coup, je savais pas trop comment faire, tu sais, puis bon, je l'avais laissé un peu visible derrière. Mais je me suis mis ça, là, la semaine prochaine, je mettrai RE4 dessus sur la. Mm-hmm. Je fais des petits easter eggs comme ça, moi aussi, maintenant, toutes les semaines. C'est bien, c'est bien. Bon, allez, moi je vais aller envoyer les. Mais ouais, je l'ai imprimé à mon taf et tout, en format A3. Logiquement. Pour être sûr d'avoir la bonne taille, que ça soit bien visible. C'était parfait. On a beau pas être d'accord, Majo, tu vois, on est quand même connecté au niveau des idées à la con, et ça, c'est bien. Mais bien sûr, écoute, j'ai de l'humour. Je pensais pas qu'on allait tenir 2h20 quand même. Hein. Je me disais, tiens, cette émission, elle va être plus tranquille. Bah putain, je pensais aussi. On aurait dû démarrer 30 minutes plus tôt quand même. Ouais, ça serait qu'on commence d'ailleurs d'habitude. Ouais. On vous a attendu là. Ah ben, parce que moi j'étais. Vous n'aviez pas de fond. Faut que je termine mon montage, faut que j'envoie mes messages aux développeurs. Mais tu rigoles, j'étais le premier là. C'est pas une question d'arriver le premier sur la ligne d'arrivée, c'est être le premier à être au taquet pour démarrer la course. C'est ça le truc. Et oui, monsieur, vous n'avez pas le monopole de la mauvaise foi. Je t'écoutais pas, j'étais en train de mettre les faits sur ma piste.